Bonjour et bienvenue à présent à un enregistrement que j'effectue en compagnie de Berthold en date du 23 mars de l'année 2023. Donc, bonjour Berthold, ça va bien? Oui, ça va bien. Excellent. Donc, aujourd'hui, pour cet enregistrement, j'avais le goût de t'amener à parler de ta vision de l'avenir, du futur. Donc, il y avait eu, il y a plusieurs années, Bernard de Montréal qui avait été interviewé, en fait, précisément en 1983, où Richard Glenn, qui lui cherchait à l'amener à parler de l'avenir, lui avait amené, en lui posant des questions, à parler de sa vision de l'avenir jusqu'en 2023. Et au moment où est fait cet enregistrement aujourd'hui, nous sommes en 2023, et je serais curieux d'avoir ta vision pour les 100 prochaines années. Donc, quelle perspective que tu as sur l'avenir? Et dans cette optique, j'aimerais t'amener à aborder ta vision de l'évolution ou l'involution, tout dépendant de la perspective qu'on va avoir là, par rapport à différents sujets. Donc, entre autres, par rapport au mouvement écologique, vers où qu'on se dirige, vers les découvertes aussi scientifiques, le développement de l'intelligence artificielle, du traçage numérique, du cyberespace, du métavers, l'évolution aussi de l'économie à l'âge du numérique, du commerce en ligne, de la crypto-monnaie, l'évolution des moyens de transport, auto-électrique, hydrogène, l'évolution des rapports hommes-femmes, le devenir aussi de l'euthanasie, de l'avortement, du clonage, l'évolution de la psychologie des gens, l'évolution du mouvement LGBTQ+, des non-binaires, des genres fluides, du mouvement woke, du transhumanisme, voire de l'émergence de cyber-humains, de cyborgs, l'évolution aussi de la politique, voire de l'exopolitique, advenant que dans les prochaines années, il y ait le contact officiel avec le phénomène extraterrestre. Et bien entendu, l'évolution du rapport de l'individu avec les plans astraux, mentaux et éthériques. Donc, je veux t'amener sur plusieurs sujets à nous parler de comment tu envisages les choses. Mais juste avant, je voulais procéder à quelques annonces. D'abord, mentionner aux gens que tu es un YouTuber qui a une chaîne de diffusion web où, habituellement, les samedis matins, en temps du Québec, je le mentionne pour les Européens qui nous écoutent, tu produis un enregistrement devant public où les gens peuvent te poser des questions. Et toi aussi, tu peux interagir là, avec eux, là, entre autres avec le clavardage qui se fait. Donc, je pense que là, c'est devenu régulier, là, vraiment à chaque semaine, un rendez-vous que tu as avec ton public. Sinon, ben, je voulais mentionner aux gens aussi que par rapport à toi, je vais mettre les coordonnées naturellement de ta chaîne YouTube. Eh bien, tout récemment, j'ai appris de la part de Issia Perrin qui effectue des transcriptions de tes enregistrements. Qu'elle vient de produire un troisième livre de transcription de ton matériel. En fait, c'est des enregistrements que tu avais fait en solo lors des années 2017 à 2019. Donc, après les deux livres qu'elle avait fait de transcription par rapport à nos entrevues, dont l'un de 2017 à 2019 et l'autre de 2020 à 2022, voilà que apparaît ce troisième livre déjà. Est-ce que je suis la première personne à t'apprendre la nouvelle ou tu étais au courant? Non, je n'étais pas au courant. Donc, à ce moment-là, est-ce que ça te surprend? Ben oui et non. Donc, pour les gens qui nous écoutent, eh bien, vous allez pouvoir retrouver ce livre de transcription web sur la chaîne que Issia Perrin a faite sur le site qui s'intitule Diffusion Berthold, le feu de la parole.wordpress.com, dont vous allez avoir les coordonnées, là, ainsi que la chaîne de Berthold en bas de l'enregistrement présent. Et naturellement, si Issia nous écoute présentement, je la salue cordialement et la remercie pour tout le travail de transcription qu'elle fait depuis plusieurs années et qui a permis de produire à l'heure actuelle déjà trois livres web qui sont totalement accessibles directement pour le public. Là. Les gens peuvent avoir accès là, sur Internet. Et si vous appréciez la qualité de son travail, et bien entendu, vous êtes les bienvenus pour lui faire parvenir une contribution financière. C'est ce que je voulais mentionner par rapport à elle. Donc, vous pouvez faire des dons là, sur son site web. Et sinon, en fait, je voulais saluer également Didier Mignot, qui s'occupe de la chaîne de diffusion sur YouTube Supramental Berthold, où vous pouvez y retrouver plusieurs centaines d'extraits des enregistrements que tu as faits au fil des ans. Il y en a une quantité là, incroyable. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir la complémentarité de ces deux individus, en ce sens que Issia va faire des transcriptions d'enregistrements et elle a sélectionné les meilleurs là, de 2017 à 2019 pour le troisième livre. Et de son côté, Didier va sélectionner les meilleurs extraits vidéo, les meilleurs segments. Sinon, ben, je mentionne que de mon côté, je rends disponible un peu plus de 700 enregistrements de toi en format MP3 qui figurent sur mon audiothèque d'archive.org. Donc, j'ai l'impression qu'on va probablement dépasser le 1000 enregistrements bientôt, là. Ça continue comme ça, là. Parce que toi, t'es juste au début de la quarantaine, là. T'es déjà rendu à 750 enregistrements. Ben, ça va vite. Ben, c'est surtout que des fois, bon, possiblement que je fais des vidéos, puis que c'est peut-être pas toujours. Ça vaut peut-être pas toujours la peine que j'en fasse, mais j'en fais pareil. Ben, en fait, t'en produis beaucoup. Puis, ce que je te dirais par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est entre autres le travail de Didier qui va vraiment cibler, aller chercher les meilleurs, les extraits les plus significatifs. Fait que à ce moment-là, ben ça devient pour pour le niveau de la transcription, ben là, ça permet de faire une synthèse, si on peut dire, là, des meilleurs moments là, de tout ce que tu produis là. Oui, parce que il y a peut-être. Un enregistrement sur 10 là, qui en vaut vraiment la peine là, quand je regarde. Oh, avec faut le pas être aussi sévère là. Oh, ben, ça doit être moins que ça encore. Ne nous affolons pas. Ben, il y en a plusieurs que tu as fait que je trouve très intéressant pardon dans tes enregistrements. Mais c'est bien entendu au public de juger là, par rapport à ça. Mais ce que je veux mentionner aux gens, c'est que en fait depuis le début de tes activités en 2017, il y a déjà beaucoup de matériel là, qui a été produit. Là, plusieurs, ça a donné place à plusieurs centaines d'enregistrements. Là, donc, sinon... Oui, ben, je pense que j'ai commencé même un peu avant 2017. Ben, au niveau de ta chaîne YouTube, la première que tu avais ouverte, c'était en 2017. Moi, c'est l'information que j'ai. Oui. Ah. Oui. Ben, de toute façon, je ne suis pas fiable là, pour le temps. OK. Mais je veux t'amener à commenter le futur. Mais bon, on va voyager un peu. Mais juste avant, je voulais mentionner aux gens qui apprécient les enregistrements que je fais au fil du temps, les entrevues, que vous êtes les bienvenus là, naturellement pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Donc, vous allez retrouver les coordonnées là, en bas du site web présent. Et c'est sûr que moi, mon initiative de diffusion web vise à être une alternative des médias de masse et du narratif officiel qu'ils véhiculent sur plusieurs sujets. Et quand que je diffuse, ben, je veux me permettre de parler librement. Même chose pour les invités, là, que ce soit les changements climatiques, la guerre en Ukraine, pour amener quelque chose en termes de parole, plus de liberté, là, parce qu'il n'y a pas de débat sur la place publique. On l'a vu là, pendant la crise sanitaire, là. Puis pour ce qui est de la guerre en Ukraine depuis environ un an, tout ce qui est occidentaux, que ce soit la France, Belgique, Canada, c'est tout pro-Ukraine. Il n'y en a pas qui vont parler, par exemple, du fait que des Ukrainiens ont attaqué là, dans le Donbass là, les gens qui voulaient se séparer là, et qu'il y a eu des impacts là, par rapport aux populations civiles. On va parler des bombardements des Russes par rapport aux Ukrainiens, mais pas le fait qu'il y a des Ukrainiens qui, à travers d'attaques qu'ils ont faites par rapport aux séparatistes, ont impacté là, des civils ou des choses comme ça. On ne mettra pas l'emphase là-dessus, alors qu'en réalité, dans la guerre, les impacts vont dans tous les sens, puis même chose pour la propagande, là. Donc, en fait, ça, on en avait parlé dans notre dernier enregistrement, là, d'ailleurs, la guerre en Ukraine de long et en large, là, au mois de février dernier. Mais là, c'est ça, je voulais t'amener à voyager un peu dans l'avenir, là, ne serait-ce qu'à travers la pensée, pour, en fonction de ta conscience, de sa sensibilité, de voir comment que tu anticipes les choses pour les 100 prochaines années, voir c'est quoi ta vision de l'avenir. Ben, c'est simple, j'en ai pas. Je pense pas, je projette jamais dans l'avenir beaucoup. Dans le fond, il y a des choses qu'on peut voir parce que c'est comme en germe dans le présent, puis que c'est l'évidence même. Mais à part ça, je pense que je suis vraiment au jour le jour. J'ai tout le temps, je planifie pas beaucoup à long terme. Donc là, dans les 100 prochaines années, c'est déjà des choses, comment je pourrais dire ça, qu'on peut voir. Parce que c'est évident, là. Ça m'est arrivé des fois de voir des choses à 6 mois, même des fois plusieurs années d'avance, mais c'est tout le temps quelque chose d'accessible, là. Il n'y a rien de. Je ne fais pas de prophétie vraiment, là. Non, mais quand même, au fil de tes enregistrements, parce que je t'écoute régulièrement, tu sais, tu avais fait allusion qu'on se dirigeait vers la légalisation de la drogue. Je t'avais déjà entendu dire il y a quelques années que, bon, on commence à légaliser la marijuana ici au Canada, et à un moment donné, ça va être les drogues dures. Puis là, on a vu qu'est-ce qui s'est passé là, dans l'Ouest canadien, où des drogues dures, là, on apprend là, qu'ils vont être légalisées. Oui, mais ça, c'est parce que je le savais, c'est pas parce que je vois dans l'avenir. C'est des choses qui sont prévues depuis longtemps. Oui, Donc, c'est pas nécessairement de la voyance au sens médiumique, mais ça peut être de la déduction. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir avec toi les grandes tangentes par rapport aux prochaines années, dans le sens, est-ce que, par exemple, selon toi, dans les prochaines années, il va y avoir des changements climatiques significatifs? Est-ce que la température va se mettre à réchauffer ou à refroidir? Est-ce qu'il va y avoir des choses spéciales à ce niveau-là? ben, possiblement que ce que je vois là-dedans, c'est qu'il y a des intérêts stratégiques. Donc, bon, dans le fond, je le vois pas nécessairement comme des phénomènes toujours naturels. Mais oui, il va y avoir des changements climatiques tout simplement parce qu'il y en a tout le temps eu. On passe, je veux dire, c'est l'histoire de la planète, de passer des. Il y a des phases plus glaciaires, puis après, il y a des réchauffements, puis bon. Donc, c'est évident que si ça a été comme ça dans des milliers d'années avant, ça va être comme ça après aussi. Donc, je le vois pas comme. Je regarde pas vraiment à long terme, mais c'est l'évidence même, juste par. Je veux dire, comme là, on instrumentalise la crainte, la peur, mais sur des phénomènes qui sont déjà connus. C'est juste qu'on profite de l'ignorance des masses pour instrumentaliser la réalité, puis c'est ça, c'est tout. Mais il reste qu'il n'y a rien qui change, à part que c'est une constante, les changements. Oui. Parce que, je veux dire, il y a eu des périodes de chaleur dans le passé, il y a eu Bon, et après, il y a des périodes de froid, mais ça fluctue, mais ça suit. Dans le fond, ceux qui ont réellement l'information, ils le savent. Puis ils s'en servent pour instrumentaliser de l'angoisse chez les populations. Mais ils savent qu'il va y avoir des changements climatiques parce que c'est cyclique. Il y en a toujours eu. Puis aussi, dépendamment des phénomènes qui se produisent, je veux dire, s'il se produit des choses comme, bon, on le sait, par rapport à des particules dans l'atmosphère, ben, ça crée des changements. Exactement. Au fond. En fait, pour l'entretien, je vais te proposer une dynamique particulière. C'est-à-dire, si je te pose une question sans réfléchir, sans analyser, qu'est-ce qui émerge? Comme par exemple, si je te pose la question en 2123, est-ce qu'il fait plus chaud au Québec? Ça, je ne le sais pas. Je ne peux pas répondre spontanément à des choses comme ça parce que je vais me mettre à me désinformer. Puis à désinformer les gens. Ben, ça, je ne le sais pas. Non, moi non plus, je ne sais pas en tant qu'ego, mais Bon. l'idée, c'est Ben, en de... plus, je ne peux pas m'en servir. Dans le sens que c'est des choses inutiles, ça. David, ce qui va se passer en 2123. Si qu'on le sache là maintenant. Toi puis moi, ça servira pas à rien. On va intégrer quoi en tant qu'ego avec ça? Ça devient de la spéculation en plus, mais même si on la réfléchit pas puis que c'est pas de la spéculation, on peut pas vérifier. On va perdre notre temps, c'est de la curiosité, mais par rapport à des choses qui nous serviront pas. Bien, c'est sûr que dans un sens, oui, c'est des curiosités, mais en même temps, la futurologie nous amène à prévoir pour pourvoir certaines choses. Qu'est-ce que tu veux que je fais pour vous, moi, de quelle date te dis? 2123, non, non, mais là, c'est sûr que je projetais là, dans un futur lointain, dans 100 ans, puis probablement qu'on sera plus sur Terre là, à ce moment-là. Ben, c'est pas juste ça, c'est de comprendre que au niveau de l'intelligence, ça serait même pas intelligent qu'on le sache. Dans le sens de ce qu'on a à intégrer maintenant, ça n'a rien à voir avec ça. Dans le fond, c'est pas de nos affaires. Ben, ils donneront. On va pas nous accorder de l'information qui ne nous sert pas. Puis même là, moi, ce que ça va me répondre, c'est que oh, ça n'a pas d'allure de demander ça. Ou je vais me désinformer, puis je vais dire n'importe quoi. Je peux pas faire comme Bernard de Montréal, que les gens étaient fascinés par des affaires de même, puis que ça a servi à créer un engouement, puis de l'intérêt, puis que finalement, c'était pour passer d'autres choses. Ça, c'est juste comme un appât, là. Mais dans le fond, là, on serait supposé être rendu plus mature que ça, là. Dans le sens que, dans le fond, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? OK. Ben c'est bien Parce que moi, correct perso, que... c'est bien difficile pour moi d'avoir de quoi, de l'information par rapport à des affaires que je m'en fous. Parce que personnellement, je m'en fous de ces affaires-là. J'ai de la misère à prévoir ce que je vais faire dans 2 jours. Je veux dire, je prévois même pas pour moi-même. Non, je comprends ce que tu veux dire. Puis en fait, mon optique à travers l'enregistrement, c'est que sur plusieurs enregistrements, tu fais souvent allusion à une vision de l'avenir qui est assez pessimiste. Tu sais, tu vas dire ça va encore mal aller, ça va encore se dégrader au niveau Ben de la oui. société. Fait que là, moi, je m'étais dit aujourd'hui que je voulais prendre un temps avec toi pour faire un petit peu une synthèse de toutes les allusions que tu fais à l'avenir au fil des enregistrements pour essayer de regrouper tout ça pour mieux cerner ta vision de l'avenir, parce qu'une fois de temps en temps, tu y fais allusion. Tu sais, tu vas dire, ça va se dégrader. Tu avais déjà dit ça il y a quelques mois, là, de ce que je comprenais, là, au niveau économique. Tu sais, que ça va se dégrader Ben, aussi. c'est le cas aussi. Oui, avec la Mais situation. c'est pas une vision de l'avenir, c'est une vision du présent. Puis on voit Mais qui implique l'avenir. l'avenir dedans. Mais Ben qui oui, parce implique. qu'on le voit dedans. Ben, c'est dans cette optique-là que je veux t'amener parler, c'est-à-dire à travers le continuum présent-futur, vers où que tu vois qu'on se dirige en tant que collectif. Ben, ça va se dégrader parce qu'il faut que ça se dégrade. Regarde là, dernièrement. Comme ça, je l'ai appris ce soir, possiblement au niveau des sports, là, ils vont refuser les transgenres dans les compétitions sportives. Mais si ça arrive, ça, c'est parce que la situation s'est dégradée. C'est-à-dire qu'il fallait le vivre pour se rendre compte que ça n'avait pas de bon sens. Donc, plus ça va mal, mieux c'est. Encore un paradoxe. Mais pourtant, c'est ça pareil. Parce que collectivement, bon, si on considère que la conscience collective, c'est de l'inconscience, ça veut dire qu'il faut que ça passe par de l'expérimental. Donc, ce qui n'a pas de bon sens en ce moment, il va falloir aller au bout et le vivre. Donc, il faut que ça se dégrade. Parce que ce qu'un individu peut se rendre compte ou intégrer, ça compte pas pour le collectif. Le collectif, lui, il peut pas le voir, faut qu'il le vive. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais des fois, c'est des jeux de polarité. Concernant l'identité de genre, ben, à l'origine, il y avait le sexe de la personne sur le plan biologique. Donc, la personne a née masculine, tu sais, avec un homme qui naît masculin, le mâle. Puis là, c'est ça qui définissait son identité. Par la suite, il y a eu le mouvement féministe dans les années 1960 en lien avec le constructivisme en disant que le genre, c'est une construction sociale. Puis le mouvement féministe critiquait les rôles stéréotypés là, en lien avec la culture masculinoïde. Puis il disait on peut déconstruire l'identité de genre, etc. Puis après ça, il y a la synthèse des deux avec le socio-biologique. Où d'un côté, il y a la dimension sociale, oui, construction avec des normes sociales, puis en même temps biologique par rapport au niveau génétique, la personne est-tu homme ou femme? Fait que là, c'est la synthèse des deux. Puis moi, j'ai l'impression, avec ben, un peu comme tu le mentionnais il y a quelques instants, il y aura une synthèse à faire pour éviter des débordements en lien avec la question des transgenres, que c'est sûr que si un homme va faire de la compétition athlétique avec des femmes, puis le gars, il est plus musclé. Puis s'identifier au genre féminin, c'est sûr, c'est pas équitable, là. Ah oui, ben, c'est le retour de la réalité. Ben, Ben, ouais, c'est ça, c'est quoi qui est exact. une construction? C'est l'idéologie qui est une Ben, c'est construction. ça. Donc, c'est le féminisme qui est idéologique comme le reste. Mais la réalité, elle a fini par s'imposer. Exactement. Et toi, dans l'avenir, tu prévois qu'il va y avoir beaucoup de chocs de retour du réel, si on peut dire. Oui, parce que ça fait des décennies qu'on construit de l'idéologie, puis c'est pas réel. Mais il y a le factuel, je veux dire, ça pourra pas, va falloir, comment je pourrais dire ça, il va y avoir le test du réel, je veux dire, l'idéologique, il va se faire déconstruire tout seul. Donc, bon, c'est correct. Juste le fait que il y a beaucoup de gens instables qui vont avoir grandi dans des milieux instables, qui vont en avoir souffert. Ça va les porter à vouloir créer des milieux stables. C'est pour ça que jusqu'à un certain point, il va avoir un retour. Il va avoir un retour à des choses qu'on considère maintenant comme désuètes. Mais ça va s'imposer. Ben, c'est là que je voulais t'amener à parler si qu'on va se retrouver dans une situation que ce qui va être progressif, ça va être le retour aux valeurs fondamentales, la famille, la terre, qui était considérée comme conservateur, alors que le milieu ambiant, présentement, si on regarde les médias, puis en particulier Netflix, les valeurs LGBTQ+, là, woke. Donc, en réaction à ce qu'on disait, ces valeurs-là comme étant progressistes, là, ce qui devient progressiste, c'est ce qui était autrefois conservateur. Ben oui, mais c'est toujours comme ça. C'est comme là, regarde là, admettons que justement on serait porté à vivre une guerre. Bon, ben, on va se rendre compte qu'on est inférieur culturellement. Je veux dire, les woke dans les universités qui sont bien agressifs, si t'es mis sur un champ de bataille, ils vivront pas longtemps. Oui, par contre, à l'époque actuelle, puis on le voit avec la guerre en Ukraine, on parle de guerre de drones de plus en plus. Puis on vise à ce que les guerres soient propres, c'est-à-dire pas impliquer de vie de soldats, puis éviter toutes les morts possibles. Fait que là, ce qu'on se dirige, c'est que ça va être une gang de geeks ou de nerds ou de gens qui vont diriger à distance des drones qui vont attaquer des Ben non, cibles. mais les drones, ils ont une réalité matérielle. Ça prend du monde pour les fabriquer. On n'est pas rendu au point où c'est autosuffisant, là, l'industrie. Je veux dire, même par rapport aux drones comme il y a là, sont fournis. Bon, puis ça prend des. Il y a des. C'est opéré quand même par des gens. C'est pas de l'intelligence artificielle pure, là. À un moment donné, quand il n'y en a plus de drones ou que les matières premières pour les fabriquer manquent, on retourne dans un terrain tactique, classique, veut, Oui, veut pas. mais en même temps, la guerre se dirige de plus en plus vers le cyberespace, les nouvelles technologies. D'ailleurs, on a le ministère de la cybersécurité au Québec depuis peu, là, avec Éric Kerr. Donc, moi, j'ai l'impression que la guerre de demain, ça va être beaucoup sur le web, attaquer des infrastructures Ah non, d'alimentation, mais énergie. une fois que ces infrastructures-là, une fois que ce terrain-là, comme je te dis, c'est une réalité matérielle, une fois que tu as remporté une bataille, parce que c'est juste un terrain avec une bataille sur ces affaires-là, là, on retombe avec une guerre tactique conventionnelle. Une fois que le web, il n'y en a plus, bon, ben là. Oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, le réseau avec le Wi-Fi, les multiples satellites de relais est tellement, comment dire, fort et puissant. Moi, j'ai de la difficulté à envisager que l'ensemble du réseau pourrait être mis à terre, là, même par rapport à une impulsion électromagnétique intense, là, par rapport à certains types de bombes ou Ben oui, une mais même éjection là, maximum. faut l'alimenter. Admettons, là, regarde par rapport les centrales électriques, par exemple. Oui. S'il n'y a pas d'électricité, c'est vraiment, c'est toujours la tactique de terrain. On va tout le temps revenir à ça. C'est-à-dire que, oui, il y a ces espèces de guerres-là, mais une fois que les batailles à ce niveau-là sont perdues ou remportées, il reste que c'est la tactique puis le terrain. Oui, Je veux c'est sûr que dire. c'est l'essence de la guerre, puis si toutes nos technologies sont à terre, comme je pense que c'était Einstein qui avait dit ça, si on utilise l'arme nucléaire, la prochaine guerre, ça va être avec des arcs et des flèches. Moi, bon, ben, de toute façon, c'est déjà. Je ne sais plus. Il me semble qu'ils sont en train là, de vouloir fournir des bombes. Je pense à l'uranium appauvri. Puis c'est l'Occident qui veut fournir ça à l'Ukraine. Donc la guerre nucléaire, les Atlantistes qui sont en train de l'amener. Oui, j'ai vu C'est toujours comme ça. la même nouvelle. C'est sûr qu'on est rendu au stade quand on s'était parlé l'autre fois, c'était les chars d'assaut des États-Unis et de l'Allemagne qui étaient offerts à l'Ukraine. Et là, il y a la Pologne et la Slovaquie qui vont livrer là, des avions de combat. Là, on parle de chasseurs là, MiG-29 là, à l'Ukraine. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas fournir de l'armement. Il va falloir, c'est parce que là, l'Ukraine, à un moment donné, et des Ukrainiens, il n'y en a pas à l'infini. Bientôt, on va envoyer du monde. Ben, c'est Là, ça déjà, va être la guerre. ben, ouais, c'est ça. Mais là, implicitement, c'est déjà commencé par rapport aux formateurs pour utiliser les chars d'assaut, où on a même, il y a même comment on appelle ça? De l'autre côté aussi, il y a des Ukrainiens qui ont été formés pour piloter des avions de combat dans d'autres pays. Ben oui, mais il n'y en aura pas à l'infini des Ukrainiens. Puis il y Oui, en a beaucoup qui fuient. exact. D'ailleurs, la majorité des Ukrainiens qui se sont réfugiés, ils sont partis en Russie. Ah, Bon. Ben ça c'est oui. drôle, les médias TVA puis Radio-Canada, j'aurais pas entendu dire ça. Nous autres, ce qu'ils nous disent, non, Pourquoi est-ce qu'on ils fuient la accuse? Russie, puis c'est les méchants, puis ils vont aller soit en Europe ou au Canada. Ils sont plus en sécurité de traverser à l'est qu'à l'ouest parce que c'est beaucoup plus vaste. Traverser à l'est, c'est comme aller se cacher dans un cul-de-sac. La guerre va se transporter vers l'ouest tranquillement. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Donc, bon, je veux dire, comme tu parles de la Pologne, la Slovaquie, donc c'est en train de se transférer de plus en plus à l'ouest. Les gens. Ils sont pas fous. T'es mieux de te sauver à l'est. Le territoire est beaucoup plus large. Donc, puis pourquoi est-ce qu'on accuse la Russie d'avoir fait, d'avoir, on accuse la Russie d'avoir transporté des populations civiles? Mais au fond, c'est parce que justement, il y a une frustration de la part des forces atlantistes du fait que les populations civiles se réfugient en Russie. Mais en même temps, il y a des réalités aussi parce qu'on parle qu'il y a au-dessus de 16 000 enfants que les autorités russes ont enlevé de l'Ukraine pour les déporter là, en Russie, dont des orphelins. Quand les pays occidentaux font ça, on dit que c'est de l'aide humanitaire, puis qu'on transporte des réfugiés. Quand les Russes le font, on dit que c'est du kidnapping. Exact. On est dans le discours Mais idéologique c'est ici. ça. Ben oui, mais au fond, ils font la même chose de leur côté, sauf qu'on les accuse de déporter des populations. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la mémoire en Europe, le mot déportation, c'est Ça a une un mot magique. connotation très péjorative. Ça me fait penser à l'Allemagne nazie qui avait C'est déporté ça. des Juifs pour ensuite les amener dans des camps de concentration, voire d'extermination comme Auschwitz. Ben oui, sauf que là, ces populations-là sont transportées dans des lieux pour des civils. Puis, mais c'est le double discours. Oui, on est dans l'idéologique, puis c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi j'aime faire des enregistrements avec toi, parce qu'on peut parler librement de ces choses-là en sortant du discours politiquement correct dans lequel on baigne là, au niveau médiatique, là, que ce soit au Québec ou en France, en Belgique, peu importe les gens ou qui nous écoutent, c'est vraiment les Russes, c'est les méchants, Poutine, c'est le grand, l'Adolf Hitler 2.0, puis Zelensky, c'est le bon. Ça fait à peu près un an que ça dure au moment où on se parle, là. Mais au fond, je considère que bon, au fond, que c'est du théâtre pareil. Dans Oui. le sens que, à mes yeux, bon, je veux dire, que ce soit à l'est ou à l'ouest, c'est du pareil au même. Dans le fond, c'est juste on met en place un théâtre qui va servir de prétexte, justement, pour comment je pourrais dire ça? C'est une façon de dépenser des budgets, puis aussi d'écouler de la marchandise. Puis là, ça va permettre justement de relancer un petit peu l'économie. Mais Ah, c'est ben des. oui, ben c'est intelligent comme stratagème quand je regarde ça, parce que l'essentiel des choses, que ce soit les avions, les chars d'assaut qui sont envoyés en Ukraine, ben c'est essentiellement, oui, il y a des dons, mais essentiellement, c'est des choses que l'Ukraine devra éventuellement rembourser. Ils s'endettent par rapport à ça. Donc, on leur envoie du matériel désuet en se donnant bonne conscience, qu'on les aide pour se libérer de l'oppression russe. Puis, à ce moment-là, à leurs frais, ils achètent la camelote, puis ils vont être obligés de la rembourser. Puis s'ils peuvent pas, ben on va saisir leur bien, là. T'sais, dans le sens Ben oui, ben. que eux autres, les céréales qu'ils produisent, ben toutes les ressources, éventuellement, on va se rembourser avec ça. Ben oui, ben c'est du colonialisme, c'est devenu économique. Donc, dans le fond, c'est pareil, la même chose. Si on regarde les NSDAP, ça avait été financé, entre autres, par des financiers à New York. Donc, bon, on regarde jamais ces aspects-là beaucoup, mais il reste que. Dans le fond, là, c'est du théâtre, mais le problème, c'est qu'il y a réellement des morts. Mais c'est vu comme, comment je pourrais dire ça? C'est de la ressource humaine, dans le sens que c'est vu comme des gens qui n'ont pas vraiment de valeur autre que, bon. Pense tu vois ce que je veux dire, là, mais parce que ceux, justement, qui, comment je pourrais dire ça, qui organisent tout ça pour vrai. Il n'accorde pas vraiment de valeur aux gens. D'un autre côté, quand on regarde ça, on voit que justement, les gens jouent le jeu. Ben oui, Ben. c'est les gens embarquent, puis ils adhèrent à ça. Il y a quelques personnes très rares. En fait, on n'en voit pas présentement dans la médium masse qui vont remettre en question officiellement, là, directement, l'engagement du Canada ou des pays occidentaux là-dedans, là. Ben, au fond, c'est réellement c'est la suite du plan Marshall. Moi, je le vois comme ça. Puis, dans le fond, c'est vraiment voulu comme ça. Puis, bon, comme là, justement, ça va entrer dans une guerre de plus en plus avec des armes. Bon, mais c'est réellement l'Occident qui est en train. Mais c'est toujours, dès qu'on accuse, par exemple, on accusait la Russie de vouloir utiliser des armes nucléaires, mais c'est l'Occident qui commence à faire entrer le nucléaire. Oui, bien, Donc, mais c'est c'est ça. toujours comme ça, c'est une inversion tout le temps. C'est ça. On projette sur l'autre nos intentions belliqueuses. Ben, on pousse la Russie dans les bras de la Chine, puis après ça, on les accuse de se rapprocher. Mais tout ça, c'était évident que ça allait faire ça. De la même façon qu'au fond,

à avoir une vision de l'avenir que, à quelque part, l'Europe va s'appauvrir, va être de plus en plus dans une situation de précarité, de pauvreté économique, d'endettement? Ben, l'Europe de la masse, l'Europe des populations générales. Mais, parce que c'est ça, là, je veux dire, t'as l'Europe puis t'as l'Europe, là. Ben, en fait, Il y a du monde qui ne vont pas s'appauvrir, au c'est-à-dire que contraire. l'élite financière qui se trouve en Europe, eux autres, ils ont des paradis fiscaux puis ils peuvent aller ailleurs. Fait qu'eux autres sont pas captifs, là, tu sais. Ben non. Mais tu sais, je veux dire, l'affaire, c'est que, bon, ça, j'en avais déjà parlé, pour que le système, il se renouvelle, faut que tu le défasses un peu. Si tu veux créer de la richesse, faut que tu crées des phases de régression. Ordo ab chaos. Moi. Là, c'est plus ou moins ça, mais dans le sens que, ben, l'Europe, si tu veux la construire, faut que tu la démolisses. Dans le sens que, je veux dire, ben c'est ça la suite du plan Marshall, dans le sens que, si tu veux, c'est comme le Maharaja qui sort son tigre. Mais ça a tout le temps été comme ça, c'est pas nouveau. C'est pour ça que je te dis, c'est l'involution encore. Mais là, comme c'est là, il y a quelques mois, je disais, ben là, on s'en va vers un climat de guerre civile, là, en France. Puis le monde, il venait questionner du pourquoi tu dis ça, puis blablabla. Oui, mais là, ce qui se passe en ce moment dans les rues, comme à toutes les 100 ans en France, proche, bon, des cycles de plus ou moins 100 ans, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je veux dire, c'est prévisible parce que c'est voulu par des gens, c'est programmé par des gens, puis que la population, elle l'embarque, puis elle suit, puis elle obéit tout le temps à ces lois-là, à ces conditionnements-là. Puis les gens, quand ils pensent qu'ils se révoltent contre l'État, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un État au-delà de l'État, puis que c'est cet État-là qui a voulu Ben oui, ben comme ça. la Révolution française où les gens qui se sont joints à la Révolution, ils pensaient s'affranchir, s'émanciper, mais en réalité, ils étaient tout simplement téléguidés par une élite qui voulait faire du remplacement de personnel. Ben, c'est ça. Fait que finalement, bon, c'est pas de la prédiction de l'avenir, c'est de la répétition du passé, mais sous des formes, c'est le contexte qui a évolué. Mais il reste que, finalement, je veux dire, c'est juste de le voir un petit peu d'avance. T'as pas besoin de voir 100 ans d'avance. Non, ben, c'est parce que je visais large, là, tu sais, ça aurait pu être autrement, là, la façon que j'amène ça, mais le point, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait une tendance à la dégradation en Europe dans laquelle on s'inscrivait, là, entre autres depuis l'entrée dans la guerre en Ukraine, que ça va Ben comme oui. s'accélérer, là. Ben oui, c'est sûr. Mais là, au fond, là, c'est justement parce que les gens donnent de l'importance psychologiquement à ça qu'ils ne le voient pas. Sais, elle a la passivité créative, dans le sens que si tu arrêtes psychologiquement de perdre de l'énergie à analyser ça, tu vas voir ce qui se passe. Pas besoin de le réfléchir. Donc, ça fait du monde. Ils vont être tout le temps avoir 2 coups d'avance sur tout le monde. C'est pour ça qu'il y en a qui sont partis avant que ça arrive. Puis là, même que ça soit rendu ailleurs, ils vont s'en aller juste avant. C'est pareil pour n'importe quoi. C'est comme, je veux dire, ben tu sais, il y a quelques mois, je chialais sur les affaires vertes. Puis je dis, c'est une crosse. Je disais, c'est une arnaque. Puis il y a du monde, ils vont perdre leur chemise là-dedans. Mais le monde, c'est sûr, tout de suite, ils vont s'opposer à ce que je dis parce que ça ne fait pas leur affaire. Mais c'est juste pour détourner l'énergie. C'est ça. Je veux dire, c'est des jeux comme ça. C'est une science, dans le fond. C'est une façon d'exploiter l'énergie du monde. Pourquoi le pharaon, il tient un fléau dans une main puis une canne de vie dans l'autre? Ça a tout le temps été de même. Elle a la polarité du mental. Des masses. Le dispensateur de vie, il est aussi lié à la loi. Ben, c'est Il comme donne la la vie, carotte puis le puis il bâton. l'enlève. C'est ça. Mais c'est de même que tu gouvernes. Les forces qui gouvernent. Si ces lois-là sont intégrées par l'individu, là, il est libre. Dans le sens que

de rester neutre, ben c'est tel que tel. Mais si la personne, bon, la société est folle, les gens ils sont, mais nous autres, on peut vivre notre fête puis s'amuser en dépit de tout ça. Mais ça va rien Ça changer. change rien à l'événement collectif. Au Sauf que contraire. la personne, au lieu de se morfondre dans son coin, dit « Ah, oh, la société est en train de s'effondrer. » Ben, c'est parce que là, on polarise, là. T'es pas obligé ni de te morfondre ni de fêter. C'est sûr. Parce que là, c'est comme si on polarise de même. C'est sûr que là, le monde va choisir la fête, mais c'est parce qu'ils ont pas de. Mais c'est parce qu'en même temps, il n'y a rien à faire. Tu l'as déjà dit dans des enregistrements, tu n'as aucune solution pour le collectif. Fait que si l'aspect Ben non. financier est mal géré, puis à quelque part, le système est fait pour s'écrouler. Ben oui, il n'y a pas de solution pour le collectif, mais je ne le pense pas en fonction du collectif. Je suis un individu, moi, je ne suis pas un collectif. Moi, tout ce que je veux, c'est d'avoir la possibilité de manger puis d'avoir un toit puis de me vêtir. C'est tout. Je m'en fous du collectif. Dans le sens que si le monde était un petit peu plus dans le réel, justement, le collectif, il ne peut pas aller mal. Ça pourrait pas faire des catastrophes comme ça va faire. Pourtant, c'est ça qui va arriver. Il va y avoir un chaos social. Pourquoi le chaos, c'est social? C'est collectif, le Mais en social. même temps, je pourrais te rétorquer qu'il existe aussi un chaos individuel. Prenons par exemple le cas d'une personne qui vit une psychose puis qu'il faut qu'il aille en surveillance en psychiatrie. C'est parce que quelque part au niveau intrapsychique, il y Ça a un vient du problème. collectif. Dans le fond, ça va venir de son contexte, son développement. Il y a un C'est aspect tout le temps lié à. développemental, mais il peut avoir un aspect Ben. inné aussi. Si la personne a une programmation qui l'amène à être prédisposée à la schizophrénie. Ben oui, mais sa génétique, elle vient pas d'elle, elle vient de ses parents. Ça vient de sa famille. Les prédispositions, elles viennent jamais de ce qui est prédisposé. Si tu es prédisposé, c'est parce qu'il y a une influence contextuelle. L'affaire qui est réelle, là, c'est l'affaire qui subit, pas les choses qui font que tu vas subir. Mais il reste que si cette affaire-là est en expansion de conscience, ben, l'affaire qui subit, elle peut intégrer la science de pourquoi elle subit. Puis, juste par la vue de ça, tu peux même sortir de la psychose, peut-être. Là, je suis pas un psychiatre ni quoi que ce soit, mais il reste que, d'une certaine façon, je pense que la génétique et par l'observation, quelqu'un peut-être peut modifier sa génétique. On ne sait pas jusqu'où ça va. Bien, c'est-à-dire qu'à l'époque actuelle, il y a quand même des travaux embryonnaires à ce niveau-là par rapport à l'épigénétique, où les habitudes Ouais. de vie, etc., vont modifier la génétique, puis faire que, en sorte qu'il y a certaines programmations génétiques qui vont s'activer ou pas. Ben, dans le fond, comme les études embryonnaires, ça appartient encore au collectif. Oui. Mais l'individu qui change sa génétique par son observation, ça, c'est à l'individu. C'est individuel. Exactement, mais je voulais en venir quand même qu'il peut y avoir un chaos individuel. Bon, tu as raison avec ton propos par rapport à la génétique qui est en relation avec la filiation de l'individu au collectif, mais le chaos individuel peut être vécu dans le rapport que la personne a avec la pensée qui vient d'ailleurs. Oui, mais elle vient d'ailleurs pareil. Oui. S'il est dans sa conscience, il se rend compte que ça ne vient pas de lui. Là, tu peux juste par l'observation des faits. C'est Ça aura ça, pas mais le cette même effet. personne-là peut vivre un chaos individuel dans son rapport individué avec sa source qui manque d'ajustement. Oui, mais s'il manque d'ajustement, c'est parce qu'il y a un désajustement. Oui, mais le Donc, ça, c'est le désajustement ne contexte. vient pas nécessairement automatiquement du collectif, ça peut être intrapsychique. Non, non, c'est tout le temps contextuel. La source, elle est parfaite, là. Fait que le désajustement, c'est au fait qu'il y a une inappointance avec le réceptacle. Puis le réceptacle, lui, il est contextué. Oui, Donc, t'es. Oui, je te l'accorde. ben là, tu Ouais. sais, ça vient tout le temps d'ailleurs, le chaos. C'est tout le temps contextuel. Parce que ce qui est indissocié, il peut pas avoir de chaos. Mais là, c'est d'intégrer ça, là. Ça peut devenir. Oui, au début, c'est lourd. Mais c'est parce qu'on donne de l'importance psychologiquement aux choses. La personne, elle donne trop de valeur au lieu de vivre sa vie, puis de la voir, elle va donner psychologiquement de la valeur à sa vie.

Ben franchement, plus ça va, puis moi je suis inquiet de ce qui se passe dans le monde. Je suis de plus en plus, je me Ben, fâche de plus en plus t'es pas. facilement, mais pourtant. Tu t'es pas inquiet parce qu'il y a quelques instants, on parlait que la possibilité d'une guerre civile en Europe, ça t'inquiète pas. OK. Non. Ben, c'est parce que t'es pas là, puis moi non plus. Mais si je me mets à la place d'un Ben, c'est pas Europe. juste ça. Oui. Ma vie n'a pas d'importance à ce niveau-là. Dans le sens que je donne pas de valeur psychologiquement à ma vie. Je ne suis pas plus important qu'un autre. Même si je meurs demain matin, ce n'est pas grave, là. Je ne vais pas Non, m'empêcher de vivre maintenant. non, je comprends. Tu n'as pas joué non plus le rôle du sauveur comme Jésus ou autre là, qui se Non, donnait. mais je parle, ça n'a même pas de valeur à mes propres yeux pour moi-même. Dans le sens que ce que je sais pas ou ce que je peux rien changer, je m'en fous. Mais je ne devrais pas donner d'importance à ça parce que je perdrais de l'énergie. Mais en même temps, tu t'en fous pas tant que ça parce que dans plusieurs enregistrements, tu as fait référence aux dégradations de la situation en Europe. Donc, tu donnes quand même une Ouais, certaine. ça me fait de la colère, Bon, mais tu vois, c'est ça t'a. passager, Oui, mais c'est ça t'atteint quand volatile. même à un certain niveau. Ben, il faut. Ça fait partie de l'observation. Faut que c'est comme ben, quand Ben, tu là, c'est vois quelque intéressant parce que chose. là, tu es en train de me dire que tu vis une forme de réaction, un peu comme Bernard de Montréal qui était en réaction puis était en contestation. Ben, faut que tu aies des phases différentes. Faut pas être en stase, c'est ça l'affaire. OK. Mais faut que tu aies la capacité à un moment donné. D'avoir une part, faut que tu sois multidimensionnel, donc une partie de toi qui réagit en même temps que parallèlement à ça, multidimensionnellement de ça, il y a une autre partie de toi qui réagit pas, puis tu peux être tout ça en même temps. Mais là, à un moment donné, tu passes d'un état à un autre. Mais en lien avec ça, tu sais, parce que je t'ai vu souvent dans les dernières semaines être en réaction par rapport à un ésotériste du Nouveau Monde qui fait des vidéos, puis souvent d'une manière systématique, je te voyais faire des vidéos en réaction, puis moi je me disais, Chris, il réagit donc bien par rapport à lui, alors que En c'est même une. temps que je m'en fous. Ben, C'est tu ça qui t'en est fous pas tant que spécial. ça, parce que tu l'écoutes peut-être avec plus d'assiduité que je peux l'écouter. Parce que là, je me dis, c'est quoi l'affaire? Ouais, Les ben, écoutes ben j'ai systématiques. du fun. J'aime ça. Ben, t'as du Pareil. fun. Tu devrais te voir aller dans certaines vidéos où tu montes dans des intensités de Oui. colère particulières. Ah ouais, parce que là, à ce moment-là, je suis dans cet état-là. Mais c'est comme quand tu regardes un film, puis que c'est triste, puis tu pleures. Mais après, le film, il est fini. Oui, je comprends. Tu vis le truc avec Oh. intensité, puis après ça, c'est fini. Sauf que le point que je voulais faire, c'est que je voulais quand même te refléter la réalité que tu dépenses quand même plusieurs quantités d'énergie pour contester tout le Ben non, mouvement ça de m'en donne. l'ésotérisme. Ça m'en donne, ça me met en mouvement. Il y a bien des Oui, affaires ça que dynamise j'aurais pour jamais faire des. regardées sinon. Ça Ça. permet d'intégrer des affaires. Ben, j'ai fini par comprendre que dans le fond, comme par exemple, les liens entre le mouvement woke et certaines contre-cultures qu'il y a eu avant. Oui, Puis, comme les hippies, puis les peace and love. ouais, mais ça, c'est justement c'est pour le voir, mais pour ça, il faut que. Mais c'est rien que c'est comme quand tu regardes un film, t'es mis comme un film d'action, bon, t'es sous le nerf le temps que tu le regardes, mais la personne réelle, c'est le spectateur. C'est pas l'émotion que tu vis, dans le sens que c'est pas ça une fonction d'intégration, mais ça me donne bien plus d'énergie que ça m'en prend, dans le fond. Puis ça me fait voir des affaires, ça participe à mon intégration, dans le fond. Puis j'ai bien du fun aussi, ben franchement, parce qu'il reste que, bon, sur le coup, des fois, je trouve pas ça drôle, puis tout, mais d'un autre côté, je peux pas rien faire à part moi-même intégrer puis le parler. Donc, Puis ça sert au bout de ligne. oui, mais dans le fond de toi-même, parce que toi, tu viens de me dire que tu as du fun. Fait que, en réalité, tu as du plaisir à écouter ces vidéos-là avec assiduité. Ben ouais, mais c'est comme quand Jean-Luc Mongrain choquait à la TV, il y avait du fun, là. C'est sûr qu'il aimait ce qu'il faisait. Oui, mais la particularité que je trouve chez toi, c'est comme quelqu'un qui. Tu dis ça n'a pas de bon. Tu sais, comment dire? C'est comme si tu vas continuellement dénoncer quelqu'un parce que tu trouves que, bon, c'est proche de dérives sectaires, il y a des abus de croyances, etc., tu sais, flagrant. Mais c'est comme, ah tiens, l'image m'est venue en tête, c'est comme t'es le prof, il y a un élève qui n'a pas d'allure dans la classe, puis tu donnes toute l'énergie au lieu de focusser sur un surdoué ou quelqu'un d'autre que tu peux amener plus Mais loin. non, je peux juste focusser là-dessus, mais En tout cas, régulièrement, dans les dernières disons que semaines. j'ai ma conscience, c'est en étudiant de l'inconscience. Parce que à mes yeux, on n'a pas vraiment de conscience humaine. La conscience, ça vient d'en dehors. Ou c'est pas, je veux dire, l'humain, c'est juste une facette de la conscience. Donc, l'intégration de conscience, c'est en étudiant de l'inconscience. Puis en Oui, même mais temps, ça me permet de voir ma propre inconscience. je comprends ce niveau-là par rapport à l'ésotérisme. En même temps, tu pourrais étudier de manière plus approfondie l'instruction de Bernard de Montréal ou d'autres personnes qui ont amené des C'est choses. l'inconscience, à mes yeux. C'est tout de l'inconscience. À mes yeux, l'être humain, c'est en justement en Bernard, là, il y a bien des aspects que ce qui m'a fait intégrer de la conscience par rapport à lui, c'est des affaires que je me suis rendu compte avec le temps que c'était pas ça, finalement. Puis que finalement, puis c'est le fait de m'en être désintéressé. De toute façon, Bernard, il est mort. Oui. Tandis que les autres sont là, puis ça va s'amplifier, puis il va, ça, je veux dire, on va avoir affaire à ça de plus en plus. Comme dans mon coin, ça se multiplie, là, les affaires de traitement énergétique, puis je la vois, là, l'espèce de culture collective de ces affaires-là, ça se démocratise, puis ça devient de plus en plus à la mode. Ben oui, puis il va avoir une revue bientôt, là, parce que j'ai écouté une vidéo de Daniel Pilon, là, qui recevait un invité. Puis l'article, la revue va s'appeler Be Witch, être sorcière. Comme si Ben c'était oui. souhaitable de devenir des sorcières ou. Ouais, c'est un retour de toutes sortes d'affaires. Ouais, même sourde, je n'osais pas le nommer, mais j'en ai même parlé. Mais le fait d'être, de le voir, ça, que ça, comment je pourrais dire ça, ça se démocratise, puis que c'est, ça revient, tu sais, puis c'est de plus en plus présent, puis ça change de forme, puis tout, ça me permet de m'individuer, puis de me centrer. Fait que Oui, bon. ça te permet de te définir par rapport à l'inconscient, sauf que le point que je voulais Ah, faire, comment? même pas. Non, ça me recentre. Ça OK. me recentre. Puis bon, finalement, ça me met dans une position d'observateur. Parce que et finalement, c'est un peu comme je deviens l'œil d'une tornade, là. En observant ça. Ben, c'est une image intéressante parce que la personne qui est au centre de la tornade, il n'y a pas de mouvement. La Ben, c'est ça. personne est dans la passivité puis est pas ébranlée là, par les soubresauts en périphérie d'elle. Ben oui. Puis pourtant, vu de l'extérieur, le monde, il voit qu'il y a une tornade. Fait que là, j'ai l'air en réaction, puis tout. Mais moi, je me tiens dans le milieu de ça. C'est juste, ça fait juste partie des vents extérieurs, là, comme même les vidéos que je fais. Mais dans le fond, ça me permet de rester indifférent jusqu'à un certain point. Ça me recentre. Fait que bon, tu sais, je veux dire, j'ai ces affaires-là, je peux pas les empêcher, c'est programmé. Ça fait partie de la programmation du collectif. Mais en même temps, si ça te rendrait indifférent, tu les écouterais pas, avec autant de Non, je sadistes les parle de la vidéos. partie réelle, c'est pas ma personnalité. Il y a une différence entre la personne et la personnalité. Oui. Fait que bon, ce qui est apparent, c'est ma personnalité, mais la seule partie qui est réelle, c'est la personne, puis ce n'est pas pareil, là. Cette partie-là, si elle a la paix, c'est justement parce que c'est la personnalité qui réagit. Mais il risque que, finalement, dans le fond, je m'en fous de tout ça. Des fois, je vais être en colère, mais c'est au niveau de ma personnalité, parce que mon empathie elle fait partie de ma personnalité. Fait que de voir du monde qui entre là-dedans, c'est sûr que ça met ma personnalité en mouvement. Oui, ben c'est sûr que c'est contrariant là, de voir toute la dérive sectaire qui peut être faite là, en lien avec le nouvel âge, l'ésotérisme, puis les. Moi, c'est surtout que c'est. Je pense que c'est malhonnête. Parce que dans le fond, c'est parce que c'est un marché. Exactement. Fait que, ben, elle dit elle-même, la dame, elle dit moi, je suis pas là-dedans tant que ça. mais j'ai étudié en telle affaire, puis j'ai créé une structure pour, bon, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est, je suis une femme d'affaires, il y a un marché, puis on va l'exploiter, tu sais. Ben oui, ben c'est comme l'entrevue, la dame elle disait que en tant que telle, elle n'était pas une adepte de la Wicca, C'est mais ça. qu'elle avait véhiculé des articles par rapport à ça parce que ça revenait à dire qu'il y a un marché. Ben ouais, c'est des gens d'affaires. Regarde, là, il y en a un autre, là, dernièrement, il a sorti, là, que il y a des sources comme quoi que le sang de tout le monde est scrap. Là, même ceux qui n'ont pas suivi de traitement ni rien, là, leur sang serait scrap. Puis en parallèle, il y a dans la structure qui a créé des gens qui vendent des formations de détoxication, puis d'affaires d'huiles essentielles. Puis c'est quelqu'un qui, je pense, étudie en marketing. Fait que moi, dans le fond, si j'en parle, c'est parce que en essayant de faire en sorte que le monde ait cette capacité de voir ça au-delà, là, puis de voir que possiblement, bon, ça me permet moi-même de le voir. Mais si je ne le parlais pas, je pourrais pas l'observer si facilement. Parce que ça m'a pris quand même une couple de jours avant de finir par me dire, OK, il y a une stratégie là-dedans, possiblement. Mais ce qui me choque quelque part, c'est que, ben, c'est encore. T'sais, c'est pour des. Il y a quelque chose de. Oui, ben comment? Je fais du bien. C'est comme si on justifiait en disant, moi, je fais du bien au monde, puis en même temps, ben. T'sais, Je me fais de ces l'argent aussi, c'est statistiques-là qui win-win, c'est ont. gagnant-gagnant, là, mais C'est ça, en mais réalité, d'une derrière certaine façon, ouais. ça marchera pas de même. Je veux dire, ça va faire. C'est sûr, ça va faire plus de victimes que ça va en sauver d'agir de même. Parce que tu te sers des angoisses du monde, puis de leur anxiété, puis c'est là que. Parce que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'intégration. Tout ce qui m'intéresse, c'est de voir le réel. C'est quoi. Qu'est-ce qu'il y en a dans le fond? Puis d'avoir la capacité d'être dans un état. Parce que la paix n'est pas dans être malheureux, puis elle n'est pas dans être heureux. La paix est dans la paix. Puis ça, c'est lié à une vue qui va créer un vide. Parce que c'est ce qui observe le vide, pas ce qui est observé. Plus tu observes, plus que. Finalement, bon, tu deviens comme l'œil d'une tornade, comme je disais. Fait que finalement, bon. Des fois même, je vais créer une tornade autour de Mais en moi, mais réalité, c'est ça vient à justement dire que la parce que. paix est dans le détachement. Ben oui, mais t'as pas le choix. Parce que si tu veux pas de. Si tu veux avoir une conscience réelle, ça va être la partie de toi qui donne pas d'importance psychologiquement. Je parle au sens de l'ego émotionnel, le corps émotionnel. Donc, la partie où il y a une réelle intégration, c'est de la conscience pure, ça. Donc, tu vas avoir un point qui va être capable d'observer le psychologique. Mais moi, c'est ces phénomènes-là qui m'intéressent. Fait que, dans le fond, ce que je fais, c'est un exercice. C'est un peu comme je disais, comme quand tu fais du jogging, c'est pas pour aller d'un point A au point B. C'est pour être capable d'avoir d'augmenter ta capacité. Donc, moi, c'est ça que je fais. Mais je vois, j'observe, dans le fond, du monde qui sont d'une autre patente, là, Non, sont non, dans la mais il y a psychologie. plein de monde qui sont pris dans des dynamiques psychologiques, c'est-à-dire les lanceurs d'alerte, Ben, les... ben, ils ne savent pas, parce qu'ils savent pas qu'il y a de quoi au-dessus de ça. Ben, c'est encore là que c'est plus pernicieux, dans le sens qu'ils ne le voient pas. Tu parlais tantôt de l'importance de Bon, ben, c'est voir. pour leur programmation de le voir, peut-être. Tu sais, c'est comme tu peux pas en vouloir à, je sais pas, moi. Parce que là, ça revient un peu comme. Un chat qui chialerait que les chiens jappent. Mais tu sais, la programmation du chien, c'est de japper. Fait que c'est correct aussi. Ben, c'est Puis ça, tu tu sais, peux on. pas y en vouloir parce que c'est dans sa nature. Ben non, fait que tu viens que t'en veux pas à personne. Tu viens que t'en veux pas à personne. Tu vas finir par avoir des fois de la haine, mais pour ce qu'il y a en arrière. Parce que là, finalement, tu te rends compte que si tout est extérieur, puis que tout est conditionnement, puis tout est circonstanciel, à un moment donné, tu te mets à haïr des forces d'influence. Mais l'individu, lui, tu le sais que si tu avais exactement la même génétique, la même programmation, le même contexte, tu agirais exactement de la même façon. Fait que tu peux pas haïr l'individu. Mais Il reste qu'à un moment donné, bon, finalement, on finit qu'on regarde ça, puis on se dit, on est tous des. On est tous au niveau de la personnalité, il n'y a personne qui est créatif vraiment. Ça ne peut pas être la personnalité ou l'ego. Puis l'intelligence réelle, ça ne sera jamais ça. Puis à un moment donné, le combat, il n'est pas externe. Ça, c'est du circonstanciel. Il va tout le temps être interne. Il y a un combat entre la personne et la personnalité. Mais la personne réelle, à cause de ce combat-là, elle se densifie, puis elle devient de plus en plus réelle. Fait que ça revient, c'est comme faire du jogging, ta capacité, elle augmente tout le temps. Mais c'est juste l'observation d'avoir une vue de plus en plus claire. Mais le reste, c'est que dans le fond, finalement, on ne peut pas sauver personne. Il faut s'enlever ça de l'idée à un moment donné, ce qui ne veut pas dire de rien faire. Mais il reste que, bon, il y a des forces au-delà de notre Donc, compréhension. c'est ça, mais si on ne peut pas sauver personne, donc de dénoncer les dérives potentielles de l'ésotérisme, de l'ufologie, du mouvement du mieux-être, de la croissance personnelle, ça ne fera pas nécessairement changer les gens qui adhèrent à ça. Non, ça se fait changer de toi. C'est-à-dire que plus tu le vois, plus c'est toi qui es en train de changer. Il y a bien des affaires que je l'observe qu'il y a 20 ans, je serais tombé dedans, là. Pas même là, je ne suis pas sûr. Même là, je ne suis pas sûr parce que dans le fond, je parle de bien des sujets que j'avais jamais eu d'intérêt pour ça. Je ne suis pas, contrairement à bien du monde. C'est pas des affaires qui m'attirent ben. Mais finalement, j'ai été amené à en parler puis tout, parce que bon, c'est finalement c'est comme connexe à d'autres choses. Il reste que bon, finalement, Mais c'est quoi les sujets qui ça t'intéressent? sert pareil. C'est quoi les sujets Bon, qui moi, t'intéressent? c'est pas grand-chose. C'est des. Je m'intéresse à des niaiseries. Moi, ce qui m'intéresse, c'est genre, ben là, comme mes plantes, mais je suis pas quelqu'un de compliqué. Moi, tout ce que j'ai toujours voulu, c'est juste, j'aime ça, tu sais, j'aime ça jardiner, j'aime ça faire des affaires de même. J'aime ça me faire à manger, j'aime Mais ça. en même temps, je te Le reste, dirais. toujours. Je te dirais, tu me dis que tu n'es pas quelqu'un de compliqué, mais ta compréhension de la réalité est complexe à saisir. C'est la réalité qui est complexe. Ben oui, mais c'est parce que le monde se casse la tête. Moi, je trouve que c'est tout simple. C'est ça, mais je veux dire, j'ai déjà discuté avec des gens qui écoutaient plusieurs fois tes vidéos puis essaient de te comprendre puis ne te comprennent pas. Ben c'est pour ça, parce qu'ils essayent de comprendre, il n'y a rien à comprendre. Soit tu le vois, soit tu le vois pas. Oui. Je comprends ce que tu veux dire, c'est vibratoire, mais la dimension vibratoire va toujours demeurer comme étant perçue comme étant compliquée pour quelqu'un qui fonctionne au niveau psychologique. Ben oui, mais là, à ce niveau-là, je peux rien faire. Je sais. Puis moi non plus. C'est comme quand j'ai pas changé depuis que j'avais 5-6 ans. Quand j'avais 5-6-7 ans, ce que j'aimais, c'est d'aller dehors puis d'observer des petites plantes, des petites roches, des petits insectes, des petits animaux, de me promener, puis je réfléchissais pas. J'étais un rêvasseux, je me promenais, puis je regardais autour de moi. Puis je réfléchissais pas, puis je pensais pas. Puis c'est ça que j'aime, dans le fond. Mais j'ai pas changé. C'est juste que, bon, comme on vit en société, puis qu'il y a des contraintes, je peux pas faire ce que je veux. Mais c'est tout. Parce que je peux pas, je veux dire, c'est comme quand j'avais ma maison. Je peux passer 5 heures de temps assis dans le foin à observer des plantes, à les changer de place. Puis finalement, t'as pas à penser, t'as pas à réfléchir, t'as pas. Je faisais, tu sais, je veux dire, je faisais rien de. Je me cassais pas la tête, là. Mais en même temps, tu as quand même passé plusieurs années à faire de la lecture de livres. Tu as une bibliothèque immense. Ben oui, parce que je voulais comprendre ce qui va pas. Ben, Parce que je considérais que le monde était fou, que les gens étaient fous. c'est ça. Mais c'est parce que ce niveau-là, si tu as voulu comprendre au niveau intellectuel, à quelque part, en lisant des livres, tu t'es cassé la tête. Ben non, c'est pas jouer avec les autres se casser la tête, je voulais comprendre pourquoi. Dès que je suis arrivé à l'école, je considérais que c'était tous des fous. Moi, c'est au contact des autres que j'ai voulu savoir qu'est-ce qui va pas. Qu'est-ce qui va pas avec eux autres? Comment ça se fait qu'ils sont fous de même? Je veux dire, mais Parce que, ça t'a préoccupé, parce que sans ça, tu n'aurais pas lu autant de livres au fil du temps. ben, pour comprendre l'intellect, il faut entrer un petit peu dedans à un moment donné. Mais j'ai fini par me rendre compte que ça donne à rien. Mais il reste. C'est comme. T'sais, je peux passer des heures assis en avant d'un pot avec une plante dedans ou en avant de. J'ai passé des heures assis en avant de des aquariums. C'est des affaires, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime faire. Ou bien, des fois, il y a une saveur, un parfum, puis que je veux retrouver. Puis là, je vais faire des recherches pour essayer de le recomposer. Dans le fond. Mais il reste que. Au fond, j'en ai pas d'autres intérêts tant que ça, là. Non, mais tu me fais penser un peu à moi qui pouvais passer des longs moments là, quand que mon chat était encore en vie à le flatter. Puis ça me Ben oui. remplissait de bonheur. C'était très simple. Dans le fond, on n'a pas besoin de grand-chose. C'est juste qu'on est on vit dans un monde qui, au niveau sociétal, à cause du collectif, on ne sait rien des contraintes. On n'a pas le droit d'avoir la paix, on dirait, ou on est mis en position d'être obligé de la fabriquer. Mais à part ça, tu sais, je veux dire, je jamais. Finalement, dès que j'ai eu mes premières confrontations, moi, que ça a commencé, que j'ai fini par devenir plus intellectuel, c'est par rapport au fait d'être confronté aux autres. Puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas. C'est là que j'ai voulu me mettre à comprendre, parce que je considérais que c'était vraiment de la folie. Dès que je suis arrivé à l'école, ou bien que j'ai été obligé de vivre en société, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec mes parents, qu'est-ce qui ne va pas avec mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui ne valait pas avec les autres enfants, pourquoi on vivait dans une société qu'on n'a pas le droit d'avoir la paix jamais. Jamais. Je veux dire, c'est simple la vie. Tu as juste besoin de manger, dormir, puis. Mais tout est. Puis c'est là que j'ai fini par. Puis finalement, à force d'essayer de comprendre. J'ai fini par voir des affaires, mais c'est pas en les comprenant. J'ai juste fini par voir, j'ai fini par dire, OK, c'est juste ça. Dans le fond, c'est pas compliqué. Non, C'est simple. mais en lien avec ce que tu dis, à mon avis, c'est un problème de civilisation dans le sens qu'on fonctionne trop avec l'intellect, la réflexion. C'est surinvesti au détriment de la conscience intuitive. Puis si on était dans une conscience un peu comme les animaux, prenons par exemple les animaux qui vont ressentir quelques minutes avant qu'un tremblement de terre arrive, ben ils vont s'organiser de pas être dans la maison où ils vont réagir. Tandis que l'être humain qui est C'est déconnecté de ça. sa sensibilité, il va rester dans sa maison parce qu'il est débranché de l'intuition, puis là, il peut subir le tremblement de terre ou l'effondrement. Ben, l'animalité, l'être humain, l'a psychologisé. C'est là qu'arrive la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui ont voulu en dominer d'autres. Donc, ils sont tombés dans la connaissance. Parce que pour dominer les autres, il faut que tu aies de la connaissance. Le savoir, C'est c'est le le meilleur moyen de. pouvoir. C'est ça. Donc, c'est là le problème. C'est ça, entre autres, l'orgueil. C'est pour ça qu'on n'a pas la paix, puis qu'on est dans une société qu'on n'a pas la paix. Parce que y a des gens qui se sont arrangés pour avoir le pouvoir. C'est pour ça que faut qu'on est pris pour se battre tout le temps. Mais à un moment donné, juste le fait de le savoir, puis de le voir. Déjà saute et déjà plus libre. Puis là, c'est sûr que tu vas moins te débattre comme il y en a qui se débattent. Puis tout d'un coup, tu te rends compte que si tu sais te contenter quand même de. Si tu es capable de te contenter de ce que tu as sans non plus devenir. Tu sais, il ne faut pas non plus vivre dans la marde, là. Mais tu vas tout le temps avoir le nécessaire. C'est là, à un moment donné, on devient Mais on peut avoir de créatif. la pensée magique à croire qu'on va avoir le nécessaire parce que les plans nous supportent. Ouais, puis ça, c'est un autre piège. Ça fait partie justement de la connaissance. Toute la spiritualité, ça fait partie de la connaissance. Les gens, on leur a mis dans la tête qu'ils souffraient pour gagner leur ciel, mais c'est une façon de continuer à les exploiter dans le plan matériel, puis qu'ils ferment le gueule, puis qu'ils se laissent faire. Ça permet de légitimer la soumission, puis créer un consentement collectif à des conditions Ben oui. aberrantes. Tandis qu'on n'est pas obligé. Mais sans tomber non plus dans d'autres pièges, comme là, l'affaire comme les citoyens souverains, là. parce que ça aussi, c'est tombé encore dans d'autres choses. Puis c'est des affaires collectives, ces affaires-là. Puis c'est pas, bon, c'est des idéologies. Mais là, c'est parce que c'est pas une idéologie être bien. C'est pas une idéologie être heureux. C'est pour ça que la philosophie, ça a été un autre piège aussi, dans le fond. Parce que, au fond, là, l'individu, pour être bien, tout ce qu'il a besoin, c'est qu'il y ait un minimum droit à la propriété, droit à, bon. T'as juste besoin d'un terrain, t'as juste besoin des capacités de te nourrir, puis le Ouais. reste irait de soi. Oui, Mais on quoi. serait resté niaiseux. Oui, Donc, comme mais maintenant, on le voit que c'est pas fou non plus. ça nous dynamise, mais en même temps, la facture peut être extrêmement lourde à payer. Je veux dire, il y a des cas de dépression, de faillite personnelle, de suicide, de... Ouais, mais justement, ça, c'est du monde qui se sont piégés. Si tu vois les pièges, tu n'as pas. Dans le fond, quelqu'un qui se suicide, c'est parce qu'il est manipulé. Bon, c'est ça, Bernard dit qu'on ne se suicide pas tout seul. Oui, que la personne est amenée au suicide, sauf que dans le contexte actuel, on pourrait mettre des nuances dans le sens que si la personne décide de mourir dans dignité parce que c'est le moindre mal pour elle à cause d'un système, par exemple, d'hôpitaux défaillants qui ne donne pas des soins de base décents, tu sais, il y a ça aussi Ben comme là. contexte. Ben oui, mais là. Rendu là, si tu peux pas vivre dans la dignité, c'est à cause du contexte, donc ça vient pas de toi. Ouais, ça revient que le chaos social qu'on parlait tantôt, puis Ben. la société Puis là, l'affaire corrompue. de mourir dans la dignité, l'idée que ça vient de toi, c'est une illusion. Non, ça peut Parce que c'est une être réaction à quelque chose qui vient pas de un... Non, toi. c'est ça. Ça peut être induit dans le cerveau de la personne avec un agenda politique pour économiser des coûts au gouvernement, ce qui fait en sorte que les gens y coûtent moins cher au système de santé pour libérer des Ouais. places. C'est de la gestion de la ressource humaine. Puis des ressources humaines, c'est comme France Télécom. À un moment donné, ils ne voulaient pas payer toutes les retraites. Puis il y a des employés qui sont mis à essayer de rendre du monde dépressif, puis de les harceler pour qu'ils se suicident. Non, mais je comprends très bien ce que tu dis. C'est sûr qu'au niveau du réseau de la santé, parce que moi j'ai une grand-mère qui est âgée de 99 ans, qui est en résidence de personnes âgées en CHSLD. Puis là, ce que ma mère m'a fait réaliser, c'est qu'ils s'organisent de créer un contexte où continuellement ma grand-mère est sollicitée pour savoir si elle veut mourir dans la dignité par différents intervenants, de différentes façons. Ils reviennent tout le temps à ça. Ben oui, c'est sûr. Puis c'est eux autres qui méritent de crever. Quelqu'un qui agit de même, moi, j'ai aucune pitié, hein. Aucune pitié du monde, le monde qui font ça. C'est comme il y en a une que je connais, elle travaille dans le réseau de la santé, puis elle a été complice d'un paquet d'affaires. Puis là, ben, des fois, des problèmes de santé, j'ai aucune empathie pour. Non, je comprends. Mais ce qui est assez Elle sournois participe là, à tout ça. ce qui est assez sournois là-dedans, c'est que tu parles des membres du personnel de la santé qui croient bien faire en proposant de mourir dans dignité à une personne continuellement, mais ils se rendent pas Au compte. fond d'eux-mêmes, ils le savent. Ben, moi, tout, j'ai une grand-mère qui a presque 100 ans. Puis en ce moment, bon, elle commence à perdre la tête, puis elle est malheureuse. Puis bon. Mais il reste que sa vie n'est pas normale. Elle vit dans une maison de personnes âgées. La place d'une personne âgée, c'est avec sa famille. Normalement, mais il faut que la famille soit capable d'en s'en C'est plus occuper. la norme. Non, je sais. Ben oui, mais On c'est est on a été dénaturés. con. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que je parle tout le temps de revenir à un état premier. Mais à la place, on est porté à fuir vers l'avant. Mais il reste. Pourquoi les personnes sont mal, pas normales? Pas dans le sens que c'est pas la norme, mais dans le sens pas logique. C'est pas dans le sens pas logique, dans le sens que ça va pas selon les lois de la vie. On vit selon les lois de la mort. Fait que ça va vers la mort. Ben, c'est là que je voulais en venir avec toi. C'est que moi, j'ai l'impression que dans les 100 prochaines années, pour en venir à ma thématique de tantôt, on se dirige de plus en plus dans un état de déchéance, de décadence avec le lobby woke, les cyborgs humains, vers quoi qu'on se dirige. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on se Oui, dirige collectivement. collectivement. on se dirige vers une forme de déclin de notre civilisation à cause que trop dénaturé. Oui, mais la conscience est individuelle, donc ce n'est pas nécessairement le cas individuellement. Puis ceux qui vont réellement survivre, c'est des individus. Puis ces autres, possiblement, si on prend des termes comme on a déjà parlé, qui vont être les fondateurs de la société du siècle d'après. Ben, ce que certains vont appeler les hommes nouveaux, à ne pas confondre avec les ésotéristes du Nouveau Monde. Ouais. Mais bref, moi, le portrait que tu as souvent dressé en lien avec les allusions que tu faisais avec l'avenir était quand même assez sombre. Puis, Ouais, pour le collectif. pour le collectif, c'est ça. Puis, j'ai d'autres choix que de réaliser que moi aussi, j'ai l'impression que on s'en va vers une forme de déchéance de plus en plus grande. C'est un petit peu désolant quand on en regarde ça, mais un petit peu comme tu disais tantôt, un peu comme toi, t'sais, depuis que je suis jeune, j'ai l'impression que le monde est fou dans mon environnement. Moi, j'ai été tendance à plus rester en retrait. Puis j'ai même eu un enseignant, il me dit à un moment donné, toi, t'es bizarre. C'est pas le groupe qui te rejette, c'est toi qui rejettes le groupe. Parce que moi, je parlais avec lui au lieu de parler avec les autres de mon âge. Ben, parce que comme moi, à l'école, j'ai jamais eu de problème à avoir des amis, mais j'étais ami avec tous ceux qui avaient le plus pas d'allure. J'étais porté à m'entendre avec ceux qui étaient les pas fins. Donc, ceux T'sais, fait qui que, étaient puis divergents du bon. système, les rebelles, les Bon, ben. marginaux. Moi, ouais, même les. C'est ceux qui avaient des problèmes. Là. Mais, tu sais, je veux dire, moi, à mes yeux, le premier de classe qui est parfait puis qui n'a jamais de problème à l'école, c'est lui qui est inquiétant. C'est lui qui est dangereux. C'est lui qui finit ministre. C'est lui qui n'est C'est pas ce capable monde-là qui sont de faire de la dangereux. gestion de crise adéquatement ou de composer avec l'adversité. Ben, il crée des crises. Parce que c'est des pantins, dans le fond. C'est comme un enfant qui n'a jamais de problème à l'école puis qui obéit à tout. C'est lui qui est dangereux. Parce Ben. que c'est un. Il n'est pas réel, tu sais. Je veux dire, il n'y a personne dedans. Les premiers de classe, je les haïssais. Puis pourtant, tu sais, j'étais pas pire à l'école pareil, Ben, mais c'est je là veux que j'allais dire. en venir, c'est que paradoxalement, t'es peut-être plus intelligent que la moyenne, donc à ce moment-là, Ben, je vois t'as. pas ça de même parce que c'est ceux qui étaient les pires que je considérais comme les plus intelligents. C'est ceux au secondaire qui tombaient dans la drogue qui étaient les plus intelligents parce que dans le fond, eux autres, au niveau de leur sensibilité, ils souffraient bien plus que les autres, fait qu'ils étaient bien plus portés à aller Dans vers la drogue pour à fuir par. compenser à cause de leur Ben. sensibilité très grande pour l'endormir momentanément, mais le Ben point, oui. c'est sûr que on dit en réalité la même chose, dans le sens que tu as l'intelligence intellectuelle les premiers de classe, mais tu as l'intelligence aussi en termes de sensibilité ou d'empathie aux autres qui amène des fois les gens à être plus absorbants par rapport à la souffrance perçue. Ouais. Puis finalement, quand on regarde ceux qui vont être vus comme. C'est parce que dans le fond, ceux qui créent réellement les problèmes de société, qui sont réellement les dangereux dans notre société, c'est du monde qui réussissent à l'école puis qui vont à l'université. Puis regarde notre ministre, l'ex-ministre de la Sécurité publique, là, Guilbeault. Ouais, Geneviève C'est Guilbeault. ça une première de classe, la grande perche là, qui s'assied en avant, là. Puis que bon, c'est ce monde-là qui sont dangereux. Pas le crotté qui s'assied en arrière puis qui tire des effaces par la tête, parce que lui, intérieurement, il sait. Il sait que c'est elle qui est dangereuse. C'est pas pour rien. Des fois, le monde va, oh, j'ai subi de l'intimidation à l'école, blablabla. Oui, mais. Les enfants ont une certaine intelligence instinctive. Puis il y en a bien des ou des petits nerds, pas pour rien qu'ils subissent de l'intimidation. C'est eux autres qui sont dangereux. C'est eux autres plus tard qui vont faire la marde. Puis celui-là qui est zéker, puis qui est tout croche, lui, plus tard qui va subir cette société de cabochons-là. Instinctivement, quelque part, on dirait qu'on le sait. Oui, Bon, il y mais en en a même temps, un il faut pas que que. ça lui légitimise l'intimidation. Oh, affaire, là. Mais c'est juste il y a une intelligence pareille instinctive là-dedans. Puis qu'il y en ait qui subissent l'intimidation au point de se suicider, je me demande s'il n'y a pas de mécanique de sélection là-dedans qui est peut-être des fois salutaire. Parce que c'est bien de valeur, là, mais il y a tout de la génétique là-dedans. C'est sûr que le petit gros qui est laid puis qui fait de l'asthme, il y a une génétique de marde, sans être eugéniste, là, mais c'est juste pour dire il y a des lois naturelles de l'intelligence. Puis, tu sais, regarde ceux qui sont bien gros dans l'ésotérisme. Ils jouent avec des cartes de tarot. Ben, quand il était à l'école secondaire, il jouait avec des cartes de. Je sais pas comment ça s'appelle, là. Ben, il y a des Tu sais, cartes de des Magic, jeux. il y a des C'est Pokémon. ça. C'est ça. Dans le fond, là, c'est ceux qui sont le plus sensibles aux influences qui réussissent, entre guillemets, le mieux. Mais c'est eux autres qui sont dangereux. Tu sais, tout est inversé dans notre culture, que ce soit au cinéma, que ce soit dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. Le professeur, là, souvent, s'il est professeur, c'est parce que c'est un médiocre. Celui qui enseigne les sciences, parce qu'il n'a pas la capacité d'être un scientifique puis de faire des découvertes, fait qu'il enseigne les sciences. Puis lui, c'est un frustré. Puis il va être porté à avoir de l'empathie envers les élèves qui y ressemblent. Fait qu'on a un système qui sélectionne les pires puis qui rejette les meilleurs, les plus créatifs. Ça devient les punis de la société. Ça fait des rebelles, puis c'est Oui. eux autres que ça va être leur job Mais si on le prend autrement, OK? de. Si la personne serait bonne en sciences, elle n'aurait peut-être pas le goût d'enseigner parce qu'elle serait occupée à faire des découvertes. Ben c'est ça qu'il faut aussi, faire des Oui, mais c'est parce découvertes. que là, à un moment donné, ça prend au moins quelqu'un qui enseigne en sciences, là. C'est qui tu vas Il va prendre? tout le temps en avoir pareil. Ben Puis de là, toute c'est façon, parce que tu critiques que. ceux les plus intéressants, c'est des autodidactes, pas du monde qui apprenne. Quelqu'un qui apprend par les autres, j'aime mieux quelqu'un qui apprend par lui-même. Parce qu'il y a une différence entre l'individu qui va devenir créatif, puis l'individu socialisé qui est une sorte de singe, là. Qui réplique. Fait C'est qu'à ce ça. moment-là, est-ce que ça serait préférable d'abolir les cours de sciences à défaut d'enseignants passionnés par la Non. science puis qui font des découvertes? Ben non. Ce que je suis en train de dire, c'est que la nature est moins folle qu'elle n'a l'air, puis que c'est intelligent pareil. C'est pour ça que je serais jamais contre la société. À mes yeux, être contre la société, c'est pas intelligent. Bien Veux, que veux tu la pas, il y a des forces comptesses, intelligentes en arrière, puis ça va mais tout en le même temps, temps. tu la comptesses régulièrement, là, d'une manière Ouais, puis virulente au fil de tes vidéos. ça prend de tout. Parce que moi, je ne m'adresse pas à des collectifs, je m'adresse à des individus. Je suis pour l'individu, mais je ne suis pas contre les collectifs. Ben, quoi qu'il est en contestation par rapport au mouvement woke, l'ésotérisme, la dérive soukoupiste, ces choses-là. Justement parce que c'est pas intelligent que ça va servir l'individu. Le vrai individu. Pas ce qui est dénoncé. Mais c'est juste pour habituer ceux qui comprennent ce que je dis à l'observer, pas le voir. Mais ce qui est dénoncé, dans le fond, j'en ai rien à faire. Ça va s'écrouler sur soi-même. Oui, parce que les C'est fait fondations pour mourir. sont pas solides. Ben, c'est programmé pour mourir. Ça sert à nourrir ce qui va survivre. Ben, je m'adresse à ce qui va survivre, pas à ce qui va mourir. Mais il reste que, dans le fond, je suis pas contre. Même des fois, je suis obligé de le répéter. Je dis, j'en veux pas personnellement. Mais c'est pas les autres que je m'adresse non plus. Je m'adresse à ceux qui voient de quoi je parle, qui le voient aussi, ou bien qui n'ont pas le temps de regarder tout ça. Parce que ça peut leur faire sauver du temps. J'en ai vu tellement d'affaires qui n'avaient pas de bon sens. Puis par curiosité, j'en ai tellement vu du monde. Tu sais, à un moment donné, il y avait. J'étais dans une ville, puis il y avait un Rosicrucien. Eux autres, ils donnent des conférences dans des bibliothèques municipales. J'étais allé à une conférence par curiosité. C'est rien que du remorquage. Il n'y a absolument rien là. Ce que j'ai appris ce soir-là, ce n'est pas lié à la conférence, c'est lié à ce que j'ai senti par les gens qu'il y avait là, puis à ce que j'ai vu. Ça m'a permis d'intégrer quelque chose d'intelligent parce que j'étais allé observer de quoi qui n'était pas intelligent dans le fond. Puis c'est la première puis la dernière fois que j'étais allé à une conférence de même. Mais après, ça m'a permis de savoir comment qu'elles autres fonctionnent. Que même dans les petites villes, il y a des affaires de même, puis comment que ça fonctionne au niveau des sujets, puis comment ça se répand. Comment que ça. C'est un peu comme un champignon. Ça se répand par spore, mais c'est des formes qui magnétisent, puis ça marche par contamination. Mais il reste que, tu sais, c'est spécial pareil, mais c'est intéressant pareil parce que juste le fait de l'avoir vu, puis dans différents milieux, puis dans différents types, avec différents types de personnes, puis tout, c'est que tu développes une résistance. Comme à un moment donné, je vois une affaire de formation pour le Reiki. Puis là, à un moment donné, la femme qui donne la formation, elle montre les portraits des maîtres japonais. Puis là, elle explique leur nom, puis tout. Puis à un moment donné, dans la soirée, elle se met à les invoquer. Va demander le support des maîtres, puis tout. Là, j'ai pu me lever, puis m'en aller. Parce que, elle a déjà fait des expériences par rapport au magnétisme, à certaines affaires, puis bon, la suggestion mentale, des affaires de même. J'ai pu voir que c'était le même phénomène, mais avec d'autres formes. Puis là, quand c'est tombé dans l'invocation des morts, là, j'ai pu voir que c'est où c'était coupé de l'intelligence, puis ça partait ailleurs. Puis là, j'ai pu me lever puis m'en aller. Ben Parce oui. que. Mais il reste que d'avoir vu toutes sortes de cossins de même, c'est, je veux dire, c'est un peu comme tu t'endurcis. Tu t'endurcis. À un moment donné, tu vis tellement de déceptions que tu vas t'en aller juste avant d'être déçu. Puis tu ne seras pas déçu finalement, puis tu ne te feras pas avoir. C'est comme l'affaire des lois de la matière, du plan matériel. Ça peut guérir ça de tout ce qui est pensée magique. Il va arriver ce que tu as. Selon ce que tu as intégré, puis ce que tu as à vivre de toute façon. Donc, à un moment donné, tu es moins naïf. Tu es moins naïf, puis tu viens que tu donnes plus d'importance à ça. Puis ça devient des banalités. Ben, plus d'importance, parce que la personne, quand elle vit une choc de vie, que ce soit une perte d'emploi, rupture amoureuse, ou apprend qu'elle est atteinte de maladies graves, ou pire encore, un de ses enfants meurt à cause d'un accident d'automobile, tu sais, c'est facile de parler de détachement quand on n'est pas confronté à des situations de choc extrême, mais quand on Pour vit. ça, faut que tu le voyais d'avance. Ouais. Faut que tu le voyais d'avance. De toute façon, la brique qui te tombe sur la tête, c'est jamais ce que tu pensais. Qu'il y a des choses qui peuvent être anticipées. Si je pense entre autres au cas de John Lennon, le chanteur des Beatles, apparemment, plusieurs années avant qu'il subisse la fusillade, il l'avait anticipé. Il s'intéressait aux gens qui étaient morts de fusillade et ces choses-là. Ben oui, mais tout se paye, puis il va tout le temps te revenir ce qui c'est lié à ta vibration. Hein. C'est là que ça sert à rien d'anticiper intellectuellement. Pourquoi Chapman y a tiré sur John Lennon? Bonne question, je sais pas. Parce qu'il le trouvait hypocrite puis malhonnête. Puis Chapman n'y avait pas d'identité propre. Il avait même marié une japonaise tellement idolâtrée de John Lennon, donc il n'avait pas marié sa femme par amour. Il avait marié sa femme parce qu'il était complètement influençable puis programmé par les Beatles depuis qu'il était ado. Puis, Ah, il voulait-tu faire comme il. John Lennon qui avait marié Yoko Ono? Oui, Qui il était. imitait John Lennon. OK. Toute sa vie avait été orientée sur les Beatles, Chapman. Puis il était très astralisé, il était très sensible, Chapman. Il avait même des dialogues avec Satan. Puis il y avait un côté schizophrène paranoïde. Puis lui, ce qui l'a choqué de John Lennon, c'est quand il a réalisé que John Lennon, c'était un hypocrite. Parce que John Lennon, il parlait de renoncer, c'était pas important les biens matériels, puis c'était important la paix, puis blablabla. Puis John Lennon, dans le fond, c'est un gars qui était violent, ça finit par se savoir. Il avait des troubles de consommation, puis il vivait dans le luxe au Dakota, dans ce gros immeuble-là, puis tout. Puis il parlait tout le temps de la paix, puis dans le fond, il était violent dans sa vie privée. C'était quelqu'un de détestable, John Lennon, la personne. Puis Chapman, il est comme été choqué par cette hypocrisie-là. Parce que c'est genre, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Puis il n'a pas été capable de. Il est devenu obsédé par l'idée de. Au fond, étant donné qu'il n'avait pas d'identité propre, Chapman, ben il fallait qu'il règle le problème. Enfin, il est devenu obsédé par l'idée de tuer John Lennon. Donc, il a fini par le tuer, c'est sûr, le gars, il est astralisé bien raide. Mais il reste que, qu'est-ce que tuer John Lennon? C'est son hypocrisie. Mais ça a mis en vibration quelqu'un de sensible. Parce que Chapman, quand on regarde sa vie, il fait pitié, ce gars-là. Ben, plus que John Lennon. Mais les deux T'sais. peuvent, dans un sens, faire pitié, dans le sens que si J'ai John. aucune pitié pour John Lennon. Ben, moi, j'ai l'impression que malgré lui, il a été récupéré par certaines forces astrales pour incarner une icône du rock, une espèce de figure messianique là, qui parlait de l'importance de la paix, de l'amour. C'est un peu Puis lui-même, comme. il n'y avait pas de paix, puis il n'y avait pas d'amour. Ben, c'est ça le paradoxe. Mais en même temps, quand que tu le regardes physiquement, avec la grosse barbe qu'il avait à un moment donné, les cheveux longs, il représentait au niveau du personnage hippie, peace and love, un peu comme le Christ Jésus dans un sens là. Ben oui. Puis il y avait une chanson d'ailleurs qui disait They're gonna crucify me, ils vont me crucifier. Puis le gars il est mort au temps moderne dans une fusillade qui est une forme symbolique de crucifixion dans un sens. Moi, ben, tu sais, je veux dire, lui, c'est pas un collectif qui l'a tué, c'est un individu. C'est un peu comme si c'était Judas qui avait tué le Christ. C'est ça, mais en même temps, il y avait un égrégore énergétique associé à lui, puis l'aura qui véhiculait. Tu sais, à un moment donné, il s'habillait en blanc, là, Bed Peace, là, il avait été au Royal Elizabeth ici à Montréal, là, c'est souvent relaté, là. Regarde, tu sais, il y a même un bédéiste qui est allé le voir puis qui disait, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais du trouble à l'ordre public, puis il dit, ben, je fais un bed-in pour protester contre ci puis contre ça. Il dit, on devrait tous rester couchés. Puis le gars l'avait regardé puis il avait dit, quand les nazis ont déclaré la guerre en Europe, si on était tous restés couchés, là, qu'est-ce qui serait arrivé selon toi? Puis là, il y a tout ce qu'il avait répondu John Lennon, ça, oh, Hitler, il aurait dû rester couché. Oui, mais le réel, c'est pas ça. C'est Ben c'est ça le sûr, c'est un problème. idéaliste naïf là, mais Ben, c'est même, c'est niaiseux. Puis, ça a rendu les jeunes niaiseux. Tu sais, je veux dire, ça rend cave des affaires de même, c'est pas intelligent. Moi, quelqu'un qui serait venu faire, tu sais, du trouble à l'ordre public de même, parce que là, il y avait une émeute dans la rue en avant du Reine Élisabeth, là, c'était en train de donner du trouble à le monde, il faisait des sit-ins, puis là, il allait au balcon, retourner dans la montagne, tu sais, pour qu'il retourne vers le Mont-Royal, puis tout. Moi, avoir été premier ministre dans ce temps-là, j'avais ce bas de valeur, je réduis, là, vous me le crissez dans un avion, là. Vous me retournez ça à Liverpool. Je veux que vous ouvriez les portes de l'hôtel avec sa face, puis vous me recollissez ça à Liverpool. Puis je veux plus, il va être persona non grata, je veux plus jamais le revoir ici. Il est venu corrompre la jeunesse, puis il est venu créer du désordre public. Mais tout ça au nom de l'amour, mon cher. All you need is love, qui est l'une de Ouais, ben ses moi, je suis paroles pas dans fétiches de l'amour. ses chansons. Non, c'est ça, mais c'est parce que je veux dire le paradoxe, puis c'est intéressant de le soulever, c'est que d'un côté, tu as du monde qui vont manifester, vont même être agressifs, puis créer du chaos social, Mais tout ça, c'est fait au nom d'un niveau plus élevé de cohésion parce que c'est All you need is love. Tout ce que vous avez besoin, c'est l'amour. Ben oui, mais check, un autre qui est un grand admirateur des Beatles, c'est Charles Manson. Mais ça, ils se ressemblent tous. Hein? Ça a l'air d'un extrême à l'autre, mais ça se ressemble. Ça se ressemble. Mais lui, tout était dans l'amour que, dans mes yeux, c'est pas de l'amour, c'est pas réel, là. Tu sais, je veux dire, dans le fond, ils sont dans le. C'est des forces. Bon, moi, je trouve que c'est des forces de mort. C'est comme l'affaire d'aller en Inde et de faire la promotion du LSD. Puis, dans le fond, il y a combien de jeunes qui ont détruit leur vie par des influences de ce genre-là? Mais Puis là, c'était, ah, c'est l'amour libre, puis tout, ça a détruit des familles, ça, tu sais. c'est sûr que ça a eu ça pour, comme impact pour certains, mais comment définirais-tu l'amour réel à ce moment-là? Parce qu'il est intelligent. Dans le sens que ça va aller vers une perpétuation stable. Ça va créer un milieu construit, nourricier. Mais une perpétuation stable, ça va pas dans le sens de l'arrêt du mouvement qui est nécessaire pour la dynamisation qui permet la vie et l'expansion que tu parlais tantôt. Ah ouais, mais ça prend une base pour te faire une expansion. Il va Mais avoir un centre. oui, mais en Faut que même tu aies temps, le un centre. paradoxe, c'est que l'expansion vient de la Sinon, contraction. l'énergie est dispersée. Ouais. Ouais, mais faut pas que ça soit dispersé. Faut qu'il y ait faut qu'il y ait une structure dans l'expansion. Tu sais, je veux dire, c'est des forces structurantes, des forces de cristallisation. Tu sais, c'est un peu comme Marc de la Salle, il voulait encadrer. Faut que tu encadres la vie pour qu'elle se déploie dans l'harmonie. Ben lui, il a fait un livre qui s'appelait Encadrer les jeunes ou quelque chose comme ça, là. Il parlait de Ben oui. l'importance d'encadrer les étudiants, puis lui, il était prof, tu sais. Ouais, mais là, il ne faut pas être trop rigide non plus. Faut il faut qu'il y ait un juste Ah, milieu. c'est encadrer l'adolescent. Ouais. Ouais, parce que si tu encadres trop, t'étouffes. Ben c'est ça, exact, parce que ça amène de la rigidité. S'il y a trop de Ben oui. structure, t'empêches la fluidité du mouvement. Puis s'il n'y a pas de structure, ben à ce moment-là, l'énergie est pas canalisée intelligemment. Parce que c'est un peu comme un tuteur pour une plante. Mais en même temps, faut qu'il y ait du vent, faut qu'il y ait des affaires qui fait que la tige, elle va être solide. Puis à un moment donné, tu peux enlever le tuteur parce qu'elle se tient tout seul. Mais, tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est l'amour, c'est de l'expansion dans l'harmonie. C'est quelque chose d'harmonisant. Mais les années Peace and Love, c'est des forces de dispersion de l'énergie. C'est ça, la dissolution de la jeunesse. Puis, on le voit parce que ça a engendré. Finalement, ça a fait des foyers instables. C'est un peu comme si tu avais. Au lieu de voir le juste milieu, on est allé d'un extrême à l'autre. Fait que là, t'as la société étouffante des années 30, 40, 50. Là, on se révolte contre ça en allant complètement dans l'autre extrême, mais c'est aussi mortifère. Oui, la Puis, c'est jamais. contre-culture, je suis d'accord avec toi, d'une polarité à l'autre. Ça fait pas de John Lennon un mauvais gars, là. Non, mais ça Ben, n'en c'est fait pas non pas. plus un saint. Ah, surtout pas. Mais l'affaire, c'est que il était le support de des forces qui le dépassaient. Parce que quand quelque chose a de l'effet à ce niveau-là, à ce point-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose en arrière dans l'invisible qui sert d'eux. Donc, il y avait des. Je veux dire, ça devient une victime. Malgré lui, un peu comme Greta Thunberg aujourd'hui, puis d'autres personnages médiatiques. Ben oui, c'est comme elle. Il y en a qui l'haïssent. Tu sais, moi, je veux dire, je l'aime pas, mais je l'haïs pas non plus. Je la considère un peu comme une victime. Mais là, en plus, elle, c'est elle qu'il va falloir bon, il va avoir des conséquences pour elle en tant qu'individualité. Ça va être lourd, là. Ben, tu sais, c'est des responsabilités. C'est un peu comme les enfants stars. Les enfants vedettes. C'est sûr que ça sera pas sain, là. Bon, on l'a vu avec Michael Jackson. Ben oui, ben il est devenu tout croche. Ben, c'est ça, lui, c'est un jeune enfant noir qui est devenu une vieille femme blanche. Avec les chirurgies plastiques et tout, puis le changement de couleur de peau. Il a la peau noire, il a la peau plus blanche qu'un blanc. Ouais, ben là. C'est ça, comme dans le sens de quelqu'un qui n'a pas d'identité. Fait que tu n'as pas d'expansion dans l'harmonie. Fait que si tu n'as pas d'amour réel, tu n'auras pas d'identité solide. C'est ça que ça donne. Puis on le voit par l'apparence. Oui. Ça paraît. Quelqu'un qui n'a pas d'identité, il va se dénaturer. Il y en a qui vont s'auto-mutiler avec du piercing, des tatouages multiples. Puis on en vient à un niveau de décadence sociale. Je discutais de ça, c'était hier ou avant-hier, avec une personne que j'avais vu une annonce pour faire le cours de préposé aux bénéficiaires ici au Québec. Et sur l'annonce pour faire la formation du DEP, il y avait quelqu'un avec plein de tatous, puis des Ben piercings. oui. Puis là, c'est comme quand on fait cette annonce-là, de dire que c'est normal qu'un préposé aux bénéficiaires ait plein de tatous, plein. Bon, s'il y en a qui m'écoutent, qui en ont, c'est votre choix personnel, là. Je veux dire, je vous respecte, mais moi, j'ai toujours la vibration que pour ma personne, je vais parler pour moi, que ça serait pas intelligent que je me mette plein de tatous puis de Ben piercings non. partout, là. C'est parce que mets-toi dans la tête d'une personne âgée qui est Alzheimer. Elle a perdu sa mémoire à court terme des dernières années. Puis là, tout d'un coup, elle a affaire à du monde avec des piercings puis des tatouages, elle va avoir peur. Ben, ça peut l'amener même à nourrir du délirium, là, dans le sens qu'elle va Ben dire oui. il y a un monstre contre moi ou tu sais, la personne, c'est une tête de mort en tatouage, elle va s'imaginer que c'est le diable Ben. ou. Ouais. Puis après ça, bon, ils vont dire, oh, elle a fait de la démence. Vous autres aussi. Dans le fond, là, je veux dire, c'est tout le monde là, qui fait de la démence à ce niveau-là. Mais Mais bon. il y a quelques jours, j'ai pensé à toi, puis je suis pas mal sûr que la réaction que tu vas avoir, ça va être la même que la mienne. J'ai rencontré une jeune fille de 17 ans. Elle avait un piercing dans le nez. Puis là, je m'étais dit, probablement que si sa mère savait ça, elle serait offusquée de ça. Tu sais, c'est une jeune fille, elle a un piercing, mais elle avait des tatouages aussi. Puis un concours de circonstances qui a fait que j'ai rencontré sa mère, puis elle aussi avait des piercings puis le tatouage. On est rendu que ça passe d'une génération à l'autre, puis elle Ah avait oui. les cheveux bleus ou violets, là, tu sais. Ben oui, mais Fait que là, à ce j'en vois moment-là, des. ouais, c'est ça. J'en vois, ils ont 70 ans. Ouais. Puis ils ont les tatous, puis tout. Puis c'est récent qu'ils ont fait faire ça. Mais c'est là qu'il y a le jeu des influences. Là, on voit que c'est une Quand t'as. transmission d'une génération à l'autre, là. Tu sais, le décorum esthétique, là, du vêtement, de la peau, et ainsi de suite, tout ça est en train de tomber, là. Ben, justement, la génération Peace and Love sont extrêmement influençables. C'est la première génération qui était, je dirais exprès, qu'on a déconstruit la famille. Donc, c'est sûr qu'eux autres sont aussi influençables que ces jeunes-là. Quand on regarde un programme à TVA comme La Voix, c'est des jeunes avec des piercings puis des tattoos, mais la clientèle de spectateurs, c'est des baby boomers. C'est ça. Puis en voyant ces jeunes-là avec des tatouages puis les piercings, ça vient banaliser ça puis dire c'est la norme, c'est beau, c'est à la mode, c'est correct. Ben, il y en a une que je connais, une dame, ben, 70 ans passés, puis maintenant je regarde le bras, puis elle avait un tatouage sur le bras. Là, je dis, c'est quand t'as fait faire ça? Elle dit, c'était pour mes 60 ans. C'était comme un cadeau à elle-même, puis elle était fière de ça, sans doute, quand elle t'a dit ça. Ben ouais, mais c'est parce que c'est là que tu le vois que cette histoire-là, ça date pas d'hier. Ça a commencé à la fin des années 60. C'est ça, sauf que là, ça s'amplifie. Ça s'amplifie, puis tu sais, il y a quelques années, j'avais entendu le Doc Mayhew qui disait que le tatouage, c'était une forme d'automutilation. Ben oui. Puis, dans le fond, il avait fait une interprétation psychanalytique. C'est comme si la personne cherche à aller vivre une forme de souffrance compensatrice. C'est comme ça change le mal de place. Tu sais, quelqu'un qui a été traumatisé quand il est jeune, il a Ouais. été battu. Si tu vis une souffrance dans le corps, c'est comme si ça ramène ta conscience au corps pour compenser, là. En tout cas, Ben dans le je fond, l'interprète peut-être si. mal, là, mais. Ben, c'est parce que c'est lié au fait qu'il y a un trouble au niveau, il n'y a pas d'identité, puis on peut voir qu'au niveau du développement, le milieu n'était pas stable. Parce que c'est une régression dans dans le tribal. Parce que, comme la dame que je te parle, j'ai fait ça pour mes 60 ans. Donc, c'est comme un rite de passage. Puis on voit ça dans les sociétés primitives qui ont des scarifications, puis des choses de même. C'est lié à leur identité puis à leur individualité par rapport au groupe. Puis ça va être l'occasion des rites de passage. Donc, c'est des mécaniques d'âme collective, puis c'est régressif. Parce que c'est des dans la culture occidentale qui sont revenus. Ça date du paléolithique, ces affaires-là. Donc, moi, ce que je vois, c'est une régression. C'est-à-dire que tu as la cinquième race racine, elle s'en retourne. Fait qu'elle régresse. Puis c'est tous des phénomènes, dans le fond, c'est pas compliqué, là, à voir. Puis c'est pas... Mais il reste que c'est vraiment comme des rites de passage tribaux. Puis c'est une psychologie tribale, puis c'est lié à des influences, c'est collectif. Puis c'est lié aussi, comme on voyait dans ces sociétés primitives-là, à leur idée de l'au-delà. Comme ceux qui se font tatouer les noms de des gens qui ont aimé, qui sont morts, ou qui se font mettre des affaires religieuses, ou liées à leur spiritualité. Donc, on voit même, on voit que c'est astral. C'est lié à ça. Donc, c'est des affaires qui viennent de l'âme. Ça vient pas de l'esprit. C'est pas le principe d'intelligence. C'est lié au principe de mémoire, puis de Ben, d'affiliation, collectif. tu sais, comme quelqu'un qui dit, ben, il y a une expression qui dit, je l'ai tatoué sur mon cœur, parce qu'il donne l'importance, il y a une forme d'attachement, tu retiens des formes que tu cristallises sur le plan physique à travers d'images. Ouais, c'est tout le temps lié. Si tu enlèves la famille, ben l'individu il va se créer des compensations. Donc, on voit ça les gangs de rue. C'est une famille, ça vient remplacer la famille. Puis on voit ça dans les années comme les communes des hippies. C'est des familles, mais bon. Donc, moi, ce que je vois là-dedans, c'est des petites compensations, mais c'est régressif. Il y a une régression. Puis là, on voit que c'est lié, c'est social, là. Il y a une dégénérescence au niveau social, là. Il y a une régression dans le tribal. Puis c'est lié au psycho-affectif. Puis, dans le fond, c'est pour compenser le fait que, tu sais, avant, tu avais des familles Uni. bien unies. Puis bon, là, à partir de la fin des années 60, on s'est déconstruire ça. Puis ça a été pensé puis voulu par des gens qui savaient très bien l'effet que ça aurait. Puis finalement, on voit tout le côté compensation par rapport à ça. Puis là, on Puis, voit apparaître l'individu qu'on appelle fluide. ben oui, C'est-à-dire... dans le fond, il est dissous. Ben, c'est ça, mais moi, des fois, je fais des farces avec ma compagne par rapport à ça, parce que l'histoire du fluidité du genre, c'est que l'individu, à un moment donné, peut dire, ah, je me sens homme, là, je me sens femme, tu sais, ou je me Donc, sens c'est fluide non-binaire. dans. Ben oui, c'est là que on sort de l'identité réelle pour aller dans l'identification, la projection. Donc, la personne n'a pas d'identité. Puis, c'est pas solide. Donc, ça va vers. C'est changeant. Puis, c'est rendu que le côté. C'est comme si le figuré devient l'irréel devient plus réel que le réel. Donc, c'est ce que tu t'inventes qui est plus réel que ce que tu es. Donc, il y a une fuite de ce que tu es. Plus qu'il va y avoir une souffrance psychologique, plus qu'il va y avoir une fuite dans l'irréel. C'est ça. Donc, la personne. Parce que là, Elle c'est rendu que. s'enferme dans des formes psychologiques, puis dans l'idéologie qui Ben la oui. déconnecte du sens pratique, puis de la réalité concrète. Ben là, c'est rendu qu'il y a des hommes qui sont transgenres, ils vont dire, moi, je suis plus une femme qu'une vraie femme. Je suis plus une vraie femme parce que moi, j'ai choisi. Mais c'est pas réel. Oui, bien, à C'est ce pas parce que niveau-là, tu c'est dis que t'es intéressant un. parce qu'aujourd'hui, je regardais par rapport à la genèse de l'identité transgenre, les différents mouvements qui ont amené ça. Je faisais la lecture d'un article scientifique par rapport à ça. Puis, En lien avec ça, à la base, bon, l'identité de genre, c'était lié à tes réalités biologiques, t'es mâle ou femelle, là, tu sais, avec un. Soit que t'as un pénis ou t'as une vulve, tu sais, c'était comme ça. Puis là, dans les années 60, oups, puis dans la période de la Révolution tranquille, mouvement hippie et autres, mouvement féministe, non, le genre, c'est une construction sociale, il y a des normes, etc. Fait que là, t'as comme l'aspect plus pensée, réflexion qui est déconnecté du corps. Donc, intellect qui embarque. Puis là, aujourd'hui, ça augmente encore avec les rôles hétéronormatifs qui conditionnent la société dans des visions linéaires et binaires des individus. Puis là, il faudrait comme permettre l'émergence de d'autres catégories pour sortir de cette forme de dualisation d'identité entre masculin et féminin pour accepter l'éclosion d'éléments plus en affinité que la sensibilité des gens. Ben dans le fond, c'est une fuite vers l'avant dans ce qui n'est pas réel, parce que c'est des réalités, dans le fond, que dans le fond, c'est des chromosomes qui font que tu es un homme ou une femme. C'est pas une construction sociale. Ben, il peut y avoir une partie de ça, mais là, je pense que c'est surinterprété, cette partie-là, puis on est en train de s'égarer collectivement, puis là, on crée des catégories comme les genres fluides, les... Tu sais, il y a toute une surenchère, j'ai l'impression. C'est comme une bulle. Tu sais, on a une bulle immobilière, mais là, c'est une bulle conceptuelle qui est en train de se construire en lien Oui. avec ça. Ben, c'est quoi le corps de désir dans le fond? Plus que quelqu'un va être justement qui n'a pas d'identité, plus qu'il va fuir vers un corps de désir, ça revient à ça, prendre ses désirs pour des réalités. Parce que là, parce qu'un coup parti, on peut être n'importe quoi, là. C'est-à-dire que il y a même, je sais pas si c'est vrai, mais à un moment donné, il disait, il y a des enfants qui s'identifient comme chats, puis là, dans les écoles, vont leur installer une litière. Ça, je me demande si c'est pas une joke pour rire de ça, là. Mais il reste que ça montre à quel point il y a une fuite dans l'irréel. Mais l'affaire, c'est que ça a été. Personnellement, moi, je considère que ça a été voulu par des gens, ça. Puis que le but, dans le fond, c'est justement de détruire l'individu pour le rendre plus facilement manipulable. Plus fluide. Ouais. Puis c'est de la suggestion, c'est de la psychologie d'image, je le vois comme ça, c'est de créer un consommateur. Mais qui est encore plus versatile, qui est encore plus. Ça va être du monde de plus en plus facile à conditionner parce qu'ils sont dans un état second. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de solidité, il n'y a pas de point d'appui, il n'y a pas de centre. Donc, des gens comme ça va être beaucoup plus facile à programmer. C'est sûr, il n'y a pas, il n'y a pas de solidité. C'est un peu comme on s'en va vers du monde liquide, plus ça va vers gazeux, là. Fait que, ben ouais, tu sais, ça c'est être éthéré, mais dans le mauvais sens du terme. C'est comme des lunatiques. Fait que c'est des forces subliminales du rêve. Des gens qui rêvent. Je les vois comme des rêveurs, mais dans le mauvais sens du terme, dans le sens où ils sont comme. Ben, ils sont C'est de la piégés par psychose à un moment l'imaginaire, donné. la fuite dans Ben c'est l'au-delà. ça. C'est ça, l'astral. Oui. Mais tu sais, quand Ouais. tu regardes ça, l'un des paradoxes qui me saute aux yeux, mais on dirait qu'il n'y a pas personne ou très peu allume, c'est l'histoire du mouvement woke, qui veut dire en anglais éveillé. Or, précisément, si tu t'enfermes dans une idéologie woke, tu es tout sauf éveillé parce que tu es pris dans une idéologie qui t'endort. Ben, la pire affaire, ben, plus tu. Si tu. C'est comme Bernard, il dit, tu perds de l'intelligence si tu te penses intelligent. Mais quelqu'un qui se pense réveillé, c'est parce qu'il est en train de s'endormir. La personne qui va être la plus réveillée, c'est celle qui doute de sa lucidité. Elle va être bien plus à l'affût, puis elle va se méfier de ses mécaniques psychologiques. Oui, parce qu'elle va être vigilante. C'est ça. Parce que justement. C'est pour ça que ça prend un juste milieu. Mais là, plus quelqu'un. C'est pour ça qu'à cette heure, le monde, comme il y en a, ils vont dire ah, l'éveil, puis ils se disent des éveillés. À cette heure, ça m'allume une lumière. Ben Je moi, je me me pose des méfie. questions. Tu sais, si j'entends dire quelqu'un, son canal, c'est Radio Éveil, faut vérifier parce que c'est pas parce que le mot éveil est là que c'est nécessairement ce qui est véhiculé de l'éveil. Ben, c'est parce que la clientèle, c'est ceux qui y rêvent, qui sont réveillés. C'est la clientèle qui est visée. Ben, c'est sûr que c'est flatteur pour l'ego en disant, ah ben moi je fais partie des éveillés, toi tu fais partie des moutons, tu sais. Ouais. C'est servir du principe d'altérité puis d'appartenance. Un groupe. Fait que, ben Ouais. oui, fait que c'est du tribalisme aussi. Ou dans le domaine de l'ésotérisme, faire partie des élus qui vont être en contact Ben, avec le phénomène extraterrestre. ben oui, puis le pire, c'est que si tu es un élu, ça veut dire que c'est pas toi qui décides. Tu sais, quand tu es élu, c'est d'autres choses d'extérieur qui t'ont élu. Ça dépend s'il y a un vote Fait que démocratique ou là, pas, là. Je fais des farces, mais je veux dire, la ouais, mais ça vient tout personne. le temps de l'extérieur. Ben, la personne, dans un sens, elle peut se qualifier à être initiée à certaines choses de par son taux vibratoire ou sa compréhension du réel. Moi, mais beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais la Parce que personne. se qualifier, c'est comme être appelé. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais après, il y a des finales. C'est pour ça que, bon, c'est des affaires, ça donne à rien de. Ça donne à rien de se casser la tête avec ça. Parce que là, plus qu'on veut se qualifier, puis plus qu'on va se désinformer. Plus la personne elle veut être réveillée, plus qu'elle va être portée à aller vers des affaires pour s'endormir. Ouais. C'est pour ça. Je comprends même pas. C'est sûr que c'est tout le temps de la compensation. Je comprends même pas l'intérêt que le monde a dans des affaires de même. Dans le sens que moi, ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est le fait que justement, je considère ça comme le contraire de ce que ça prétend être. C'est là que ça devient intéressant. Mais quand je regarde mes intérêts tous les jours, c'est jamais des affaires de même. Il y a plein d'affaires que je comme j'ai jamais j'étais pas au courant de ça, puis finalement c'est par ben comme quand tu parlais de la méditation pleine conscience, j'ai jamais eu connaissance de c'était quoi ça. J'ai jamais regardé c'était quoi. Finalement moi c'est juste je vais suivre une vibration, c'est-à-dire bon ben là à un moment donné je vais tomber un intérêt pour certaines choses, puis c'est toujours des choses simples puis assez pratiques. Puis là, comme ces temps-ci je me suis remis à m'intéresser les mécanismes des serrures. Puis là je me fais venir des mécanismes de serrures transparents là, des affaires de main. Tu sais, que tu vas les couper dedans, puis là, je m'amuse à crocheter soupe à les ouvrir. C'est même des. Je m'amuse à crocheter mes propres serrures. Ben, est-ce que tu cherches à les modifier, les améliorer? Non, non. OK. C'est juste à améliorer. J'avais déjà une habilité et un intérêt pour ça. Puis là, j'ai eu la vibration de m'améliorer. Puis là. Là, les voisins passent puis me voient en train de crocheter ma serrure. Ça me demande qu'est-ce que je fais là. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que j'ai de la misère à comprendre comment est-ce que ça donne quoi de vouloir débarrer les chakras pour que là, la lumière passe. Puis, c'est ça l'est le corps de désir. C'est pas vibratoire. C'est parce que l'être humain, il a peur. On a tellement peur d'être endormi qu'on veut se réveiller à tout prix. Puis juste le fait que c'est le corps de désir, ben ça prouve que c'est pas réel. C'est passé pour compenser une anxiété puis de l'angoisse. L'affaire, c'est que le corps de désir, c'est par des déceptions puis de la souffrance qui va se transmuter en corps de volonté. Il y a des affaires qui nous fascinent, qui nous mesmérise, que c'est par de la déception puis de la souffrance que ça va se transmuter en de la conscience. Fait que les affaires de maître ascensionné puis tu sais, toute la patente, là. Il y en a tellement des affaires, comme à un moment donné, je regardais ça aller, les chambres à tachyons. Bon, l'affaire, la particule de tachyon, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est. À la fin des années 80, le film de John Carpenter, Prince des Ténèbres, maintenant là-dedans, il y a des scientifiques. Ils essayent de prévenir du monde en se servant des tachyons parce que vu que c'est une particule qui va plus vite que la lumière, ils essayent d'envoyer de l'information dans le passé pour changer le futur. Puis là, une affaire

Il n'est pas dans son corps, il est dans sa tête. Mais si tu es multidimensionnel, il faut que tu sois dans tous tes corps. Ouais, pour être un homme ou une femme intégrale, là. Ben oui, c'est dans ce sens-là. Dans le sens, il faut que tu aies un centre, il faut que tu aies une identité, puis après, tu rayonnes dans le reste. Mais si ton identité est juste intellectuelle, c'est pas réel. Non, non, Puis ça, ben, ouais. ça va détruire le corps, comme le monde, justement, qui se font tatouer au point qu'ils en deviennent monstrueux. C'est comme les gens d'Hollywood qui sont devenus. Tu sais, je veux dire, il y en a qui sont rendus des monstruosités, là. Puis bon, il y en a, ils vont dire, ah, telle actrice, t'sais, on peut pas dire qu'elle lâche qu'elle a. Ouais, mais elle a pas l'air jeune ou elle a pas l'air vieille, elle a plus l'air humaine. Oh oui, ben c'est sûr que c'est rempli avec la face pleine de botox, puis les joues gonflées, et puis tu le vois que quelque part il y a quelque chose qui tourne pas rond, là. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, je veux dire, je comprends pas ça parce que normalement, je veux dire, bon, en tout cas, tu sais, ça fait partie du métier, il faut que tu aies des expressions faciales. À moins de jouer un extraterrestre ou je sais pas quoi, ça donne quoi d'avoir l'air de même? Fait que c'est du monde et leur carrière va finir de toute façon. Puis là, de toute façon, quand tu vieillis, ton casting, il change. Je veux dire, avant, tu jouais la petite fille, parce que toi, tu joues la grand-mère, c'est normal. Mais il y en a qui acceptent pas ça parce qu'ils ont le culte de l'éternelle jeunesse, puis ils veulent tout faire pour rester avec une apparence jeune le plus longtemps possible. Ah ouais, comme la chance, la chanteuse, là, Cher. Ouais. Bon, je l'appelle chaise, parce que c'est rendu un objet. Tu sais, fait que bon, mais on ne la voit plus non plus, mais de toute façon, à l'âge qu'elle a, elle a été obligée de, à un moment donné de s'éclipser de toute façon. Mais il reste que. Tu sais, c'est un peu comme Madonna qui a chialé. Elle a dit, le monde, il me critique parce qu'ils sont misogynes puis ils font de l'âgisme. Mais ça n'a pas rapport. C'est pas ça que le monde les critique. Le monde est critique le fait que finalement, c'est parce qu'il y a un conflit de valeurs. Mais d'un autre côté, tu sais, c'est une façon de faire du marketing que, je dirais, la joue avec ça. Ben, Puis ça va. elle cherche à rester éternellement séduisante à Madonna, puis faire ses spectacles avec ses petites tenues, là, tu sais. Pas lourd. Ben, je sais pas, tu sais, dans le fond, oui, tu sais, je veux dire, même si ça devient choquante, là, pis ça choque le monde, ça va marcher pareil, parce que dans la branche où elle est, pire c'est, mieux c'est. Parlez-en mal ou en bien, mais parlez-en. C'est ça. Fait que là, je joue le jeu, Même mais là, chose ça pour, en dérange passant, pas. les ésotéristes. C'est... Ben, je sais pas, parce que là, il y a une notion, on n'est pas dans de l'art. Il y a une notion de croyance puis de crédibilité. Quoique, certains vont dire que l'ésotérisme, c'est un art de vie, la pensée ésotérique. Ben là, l'ésotérisme, dans le fond, c'est un langage. C'est une façon d'encrypter l'information, puis c'est aussi de la sélectivité. C'est initiatique, l'ésotérisme. C'est pour ça qu'il y a un langage dans ésotérique, dans le sens que c'est le petit véhicule, c'est pour les initiés qui comprennent un langage. Donc là, l'affaire de façon de vivre ou de mode de vie, là, c'est au niveau d'une pratique de ce qu'il y a derrière l'ésotérisme. Là, on est dans de la doctrine. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas ça comme pareil. Parce que si on en parle, puis qu'on montre qu'il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens, ben c'est pas comme un artiste. Parce qu'un artiste, même s'il n'a pas de bon sens, ben sa musique, elle peut être bonne pareil. Mais dans les deux cas, on peut en faire de la publicité. Bon, mais c'est un peu comme si je te demande qu'une doctrine n'a pas d'allure, c'est pas comme un artiste, là. Tu sais, un artiste, je te demande qu'il n'a pas d'allure, tu peux écouter sa musique pareil. Mais un philosophe ou un ésotérique qu'on demande que sa doctrine n'a pas d'allure, c'est tu vas l'écouter pareil, mais tu le croiras pas. Oui, je Parce comprends. Tu que. peux être plus critique, Mais en même temps, tu attires l'attention sur lui. Tu sais, tu lui donnes de Ben, l'importance. moi, je sais pas. Moi, comme je m'adressais à du monde qui le connaissent déjà. Ouais. De toute façon, ils font la job eux-mêmes. Tu sais, je veux dire, si tu t'habilles en robe noire puis tu prends le nom de Lucifer, tu fais la job toi-même, j'ai pas besoin de rien dire. Sais, je veux dire, dans le fond, là. Oui, à un Faut moment pas. donné, tout est là. La personne, c'est elle-même qui se Ben, là. peinture, devant tout le monde, là. Ben, c'est parce que dans le fond, la personne, elle s'adresse à une clientèle qui est dans le même état. C'est-à-dire, il va avoir un trouble d'identité puis un rejet de valeurs collectives pour des alternatives. Donc, bon. C'est un petit peu comme. Je me souviens, Sergio, lui, quand il était enfant, il y avait eu une révolte contre le catholicisme, puis quelque part, pour lui, Lucifer, c'était devenu comme un héros. Puis au fil. Qu'il a vieilli, puis qu'il a commencé à comprendre certaines choses, puis à intégrer, puis finalement il s'est rendu compte que les conflits qu'il vivait au niveau de son identité avec le social quand il était petit, ça avait servi de leurre pour le manipuler quelque part, puis il a fini par rejeter ça, lui pareil, Lucifer. Il a fini par comprendre c'est quoi qu'il y avait en arrière des formes. Bon. Ben, Mais il y a autrement du dit, il monde. était quelque part manipulé pour être rebelle, puis finalement, il s'est rendu compte que, tu sais, c'est ça. Ben oui, il a revécu après à m'amener tant dans une maturité. Mais quelqu'un, par exemple, qui n'a pas d'intégration, il va rester immature puis rebelle jusqu'à sa mort. Fait que ça fait des excentriques. Ça fait du monde que plus ils vieillissent, pire c'est. Non, c'est ça, Bon, ça dans ce va pas, temps-là, dans ça, le ouais. fond. Ben non, ça peut pas. C'est un petit peu comme, tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est des affaires. Admettons qu'on en parle, puis le monde comprenne ce que je dis, ils le savent déjà, ça. Ils le voient. C'est un peu comme, bon, je le sais pas, moi. Des fois, c'est juste aussi une forme qui sert à la personne parce que c'est son travail. Comme, je pense pas qu'Alice Cooper, c'est un mauvais bonhomme. Mais il a l'air bien moins fou que d'autres qui se prennent au sérieux. Dans le fond, qu'eux autres, c'est devenu leur identité. Que ça, c'est bien plus grave. C'est pour ça que les artistes et les ésotéristes, je ne vois pas ça de la même façon. Mais moi, je fais certaines similitudes dans le sens que dans les deux cas, ils peuvent se mettre en scène puis créer Bon, ben oui. toute une visuelle, puis tu sais, des concepts, là, tous aux abris, puis là, il se met dans une espèce de petit container, là, comme s'il était une pointe qu'il y ait une explosion d'une bombe nucléaire, puis là, il allait être à l'abri par rapport à ça, tu sais. Bon, j'avais trouvé ça spécial parce que on le voyait que ça avait. Voyons. Mais ça va tout le temps se servir de la crainte. C'est comme je te Mais ça a disais, été bon l'autre pour qui lui parce qu'il a dit. été chercher plusieurs milliers de codes d'écoute avec cette vidéo-là. Ouais, mais c'est retombé après. Oui, mais ça a eu l'impact qu'il cherchait. C'est-à-dire qu'il a réussi à attirer l'attention. Le titre était accrocheur, tous Ouais, aux mais tout abris. se paye. Tout se paye. Mais c'est un peu comme l'autre qui est allé dire le sang de tout le monde est scrap. Moi, je vois là-dedans une stratégie par rapport parce que là, en même temps, bon, c'est comme je te dis, c'est pour vendre des affaires de détox. Ben oui. Bon, ça va tout le temps jouer avec la crainte. Puis c'est sûr que le pire, c'est que ça va être moins vendeur que du monde qui vont dire ben, faut moins se casser la tête. À un moment donné, arrêtez d'avoir peur pour rien. Comme Bernard dit, c'est astral la peur. Mais d'un autre côté, des fois, on a raison d'avoir peur. Mais là, c'est de l'intuition. Mais parce que toutes ces formes-là, c'est parce que l'émotionnel, bon, tout ce qui est lié aux instincts, puis ça nous coupe. D'autres affaires. Fait que c'est sûr qu'en disant au monde, en mettant dans la tête du monde que peut-être que leur sang est scrap, ils vont être bien plus faciles à faire, je sais pas moi, à la déformation pour Bien, Ça dit. c'est le problème réaction-solution. C'est-à-dire que dans un premier temps, les mêmes personnes ont pu être manipulées en croyant qu'en prenant certaines substances, elles n'attraperont pas un virus. Ils ont fait ça pour la santé. Par la suite, on leur dit, bien là, vous avez pris telle substance pour votre santé, encore une fois, on va vous demander d'aller faire du détox. C'est pour ça que je dis, ceux qui se présentent à être des alternatives, ils ressemblent étrangement à ceux dont ils se disent l'alternative. Dans le fond, Ben là, c'est un peu comme. je pourrais te donner l'exemple par rapport à George Lucas puis Star Wars, puis je suis content qu'il y ait eu cette lucidité-là. C'est-à-dire que lui, à la base, il avait parti sa propre compagnie, Light and Magic, pour se détacher des multinationales, pour faire ses trucs indépendants. Puis il est tellement devenu gros qu'il est devenu exactement ce qu'il ne voulait pas devenir. Puis là, dans une de ses vidéos, il disait que finalement, un peu comme la personne qui rejetait son père, il est devenu aussi pire que son père qui rejetait. Oui, il est devenu la Ben, multinationale qui rejetait quand il était jeune. ah oui, puis là, il a vendu ses affaires à Disney. C'est ça. Ben, c'est pour ça que ça donne rien de polarisé. Dans le sens que les contraires se ressemblent puis se font face. Puis le seul moyen d'échapper à ça, c'est d'avoir un juste milieu. Le seul discernement. Parce que. Je pense que c'est pas. Il y a un texte hindou qui dit on devient ce qu'on haït. Donc, l'émotivité a nourri des choses, puis la polarité, ça s'inverse. Fait que paradoxalement, quelqu'un qui est l'astral, il peut devenir l'astral. Ben, tu sais, tu peux avoir de la haine de l'occulte. Mais si c'est au niveau subjectif que tu as une haine de l'astral d'une façon subjective, qu'il n'y a pas de discernement, ben, haïr l'astral à ce niveau-là, c'est se faire astraliser. Ça, c'est le nourrir. Fait que là, dans le fond, tu te ramasses, c'est le haut astral. Fait que là, tu haïs le bas astral. Mais tu n'as plus le discernement de voir qu'il y a de l'astral, que ce soit en haut ou en bas, c'est pareil, là. Ça revient au même. C'est juste qu'il y en a un qui est blanc, l'autre est noir. Puis là, bon. Dans le fond, là, fait que finalement, ça fait partie de la polarité. Les jeux de l'intellect. On intellectualise. Fait que bon, finalement, bon, c'est ça que ça fait. Moi, il va falloir que je me couche. C'est bien parfait. On va compléter cet enregistrement dans les prochaines minutes. En rappelant aux gens qui nous écoutent que si vous avez envie d'en entendre plus de Bertold, parce qu'après tout, il y a au-dessus de 750 enregistrements que j'ai de lui dans mon audiothèque, sans compter les différentes vidéos qu'il y a sur sa chaîne YouTube, dont vous allez avoir les liens web là, en bas de l'enregistrement. Donc, c'est sûr que si vous voulez en entendre plus, ben c'est possible. Sinon, je veux mentionner en terminant que si vous avez apprécié cet enregistrement, eh bien, que vous pouvez avoir accès à d'autres enregistrements que j'ai faits naturellement avec Bertol au fil du temps depuis 2017. J'en ai fait aussi avec des invités. J'en ai d'autres aussi en solo sur ma chaîne de diffusion sur YouTube. Et que si vous appréciez tout ce matériel que je rends disponible au fil du temps, que vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal, dont vous allez pouvoir avoir les coordonnées en bas de cet enregistrement présent. Donc, sinon, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Ben non. Bon, ben excellent. Fait qu'écoute, on garde contact. On se dit à bientôt. Bon, ben parfait. Bye. Bye.